Un écrou. Ah oui, c'est un écrou. C'est un écrou un peu balèze déjà. Ouais, mais c'est parce que c'est des bières balèzes, c'est pour ça. Scratch. Oh. Mais non, mais là, on met la mêlée sur la couette. Oui. Sinon, ça fait un peu bizarre. Oh. Tant de bruit dans mes oreilles. Bon, bah. T'es prêt? Ah là là. C'est marrant, ça, je me suis fait. T'étais quoi? Non. Tu t'es fait eu par le, le. Par le. Ouais, tiens, je me suis fait surprendre. Bah attends, du coup, on recommence. Je m'attendais pas à ça. Voilà. Hey, à ta tienne. À la tienne. J'ai entendu un ch'ting. Bon, bah, bienvenue dans cet épisode numéro 5 de la saison 2 de Road to Hellfest avec un programme aux petits oignons. Zach. Donc, première grosse news de la semaine du côté de chez nos amis du Hellfest. Apparemment, la BlizzCon, ça a l'air sympa. Oui. Bah, parce que, voilà, ils sont en balade là-bas. Donc, est-ce qu'on peut déjà présager d'un retour de Warcraft en terre clissonnaise? Peut-être. Oh, attends, mais ça a bien marché. Attends, mais je fais n'importe quoi. Je me lance. Alors, mais comme toutes les semaines. C'est n'importe quoi. Ça. Ah, le pire, c'est que là, on a un peu préparé avant. On s'est dit, machin. Donc, c'est ça qui est assez fort. On n'y arrivera pas. Hein. Des professionnels resteront pas ici. Déjà, bah, oh, nous sommes bien tristes car nous n'avons pas d'invité cette semaine. Non. Personne n'a voulu revenir. Et, apparemment. Voilà. Ça s'est mal passé à la fin. Hein. Voilà. Parce qu'en fait, après le podcast, Étienne et Richard ont été particulièrement mal polis. Ils ont fini toutes les bières. Et du coup, bah, à un moment donné, on leur a demandé de partir et puis bah ils sont partis. Voilà. Donc, voilà. Non, on déconne. Ça s'est bien passé, ils étaient super sympas et ils reviennent. Et les gars, vous revenez quand vous voulez. Vous serez toujours les bienvenus, surtout Richard qui amène des bières. Ouais. Moi, voilà. Une fois. Oui, c'est vrai. Ouais, mais bon, en même temps, ils ne savaient pas la première fois. C'est ça. Donc, c'est pas si mal. Ouais. Du coup, as-tu passé une bonne semaine, Bob? Ça a été. Ça a été? Ouais, ouais, ça a été. D'accord. Non, non, mais c'est bon. C'est... Oui, voilà, non, mais c'est pour voilà. Ça. J'allais... C'est vrai que. D'accord, et eh ben tant mieux. Oui. Tu as repris le travail, je crois. Non. Merde, non. Ah, j'avais pas réagi. Ouais. D'accord, ah bah non, mais. Ah. Excuse-moi, je l'avais pas. Bah, tu, lundi, tu veux lundi. Tu veux en savoir non. Si, lundi, ouais. Ah bah voilà, c'est ouais, ce qui me semblait, là, voilà. Ouais. Ah, voilà. Eh bien, d'accord. Eh bien, moi aussi, j'ai passé une bonne semaine. Tu as repris le travail? Oui, je l'avais pas arrêté. C'est ça. Je l'avais déjà... Ah, mais non, en fait, t'as raison. Depuis une semaine, je travaillais pas la semaine dernière, c'était fériette. Mmh. Donc, j'ai effectivement repris le travail. Oh, bah, ça va, hein, beaucoup de boulot, ça. voilà, non, mais sinon, j'ai passé une bonne semaine. Rien de spécial, hein. J'ai pas été amiqué. Non, non, vraiment, une semaine normale. On peut pas y aller toutes les semaines non plus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu loin en plus du coup. Bah oui. Donc du coup, comme je disais, cette semaine, encore une fois, très peu de news du côté du Hellfest. Donc on a été un petit peu creusé à droite et à gauche pour essayer de vous ramener des choses à dire. Parce que je pense qu'à un moment donné, même si nous ça nous amuse de boire des bières en se racontant 2-3 conneries, ouais. À un moment donné, ouais. Peut-être que les gens en auront marre. Et Dieu sait que nous avons un public très très large. Ouais. Merci à vous tous. Ouais, merci. Et merci surtout pour les énormes retours que vous nous faites. C'est clair. On est à peu près à zéro. Bah donc, ouais. Donc... Non, non, si, quand même. Sur la première saison, on était quand même... On avait quelques retours. Ah oui. Retours. Non, mais je veux dire, oui. Non, mais là, mais en fait... Là, oui, pour cette saison-là, oui. Ça non. Bah si, les invités. Mais oui, c'est ça. On voit... Non, s'il y a eu un truc qui m'a fait beaucoup rire. Je sais pas si tu l'as vu, toi, mais il y a un des potes d'Étienne qui a partagé le podcast. Et il a dit mon pote Étienne qui passe à la radio. Et ah voilà, oui, ça... alors tu vas rire parce que ce mec-là, c'est un copain d'école. C'est un mec que j'étais en cours avec lui. Eh, cool! Le ah, sympa! Et ouais. Du coup, il va être content de savoir que tu bosses à la radio maintenant. Ouais, tu vois. On est à la radio. Voilà. Donc, on est un média. Et d'ailleurs, j'ai une preuve qu'on est un média. Ouais, parce que dis-nous tout. Alors, il se trouve que donc cette semaine, on a 2-3 news et accessoirement, on va parler des quelques affiches de festivals et qui ont été déjà révélées, vu que le Hellfest, on n'a pas le temps. On a faim, en fait. On a faim? Ah oui, on a fin de news. Voilà, d'accord, je ne captais pas. Et en fait, comme nous sommes un média et que nous avons déjà représenté Road to Hellfest dans un festival, il faut savoir que ce festival est toujours en contact avec nous et m'ont donc envoyé un dossier de presse. Hmm. Ouais, ouais, oui, monsieur. Ah ouais. Et tu me dis rien. Bah, j'allais te le dire, Pierre, sur aujourd'hui. Tu me fais la surprise comme ça. C'est ça, en direct. Voilà. Donc, à savoir que Dépêche Mode sera au Men's Square Festival en 2018. Et on est gracieusement invité. Alors, on n'en est pas jusque là. À y aller. Si, je pense qu'on peut venir. Mais à toi, ils expliquent un petit peu, machin, qu'ils étaient déjà venus en 2006 pour la seconde édition. Et que les icônes de la New Wave, dont le 14e album Spirit est paru en mars, et donc ils vont découvrir la citadelle d'Arras, parce que je le rappelle, à l'époque, ce n'était pas dans la citadelle d'Arras, mais je ne sais plus où c'était. Oui. Voilà. Donc c'est juste pour dire ça, voilà. Je tenais à le préciser, parce que c'est toujours classe de recevoir un dossier de presse d'une page. Bah, c'est sympa. Donc voilà. À savoir aussi que Dépêche Mode sera également à Beauregard. Ah ouais. Ouais. Et la prévente de Beauregard commence ce vendredi, et ça doit être autour de 54€, je crois, la journée. Ah oui, ça augmente aussi. Hein. Bah oui, j'ai trouvé ça un petit peu cher. Car c'est une connaissance qui m'a... Ouais, 54€, sans les frais. En plus, voilà. Ah, bah non, ça se mouche pas avec le code non plus. C'est ça, parce que c'est pas facile, parce qu'au niveau du bref... Bah, c'est pas évident, non. C'est pas ça. Alors, avant de commencer, parce qu'on a déjà dit pour le Hellfest blabli... Blablu. Voilà. On tient déjà à s'excuser, parce que cette semaine, notre sponsor n'est plus Haribo. M&M's, attends, donc du coup c'est qui se prend ça, c'est qui M&M's? Bah c'est M&M's, hein, y a pas de ça appartient. Bon, Monsanto et Nestlé, bah donc Monsanto aussi sûr. Donc nous sommes sponsorisés par M&M's et Kit Kat Ball. D'ailleurs au passage nous acceptons tous les sponsors. Oui. Je veux dire, ne soyons pas. Non. On prend tout, on n'a rien, voilà. On s'en fout, on n'a pas de race. Et donc du coup, vous risquez d'entendre pas mal de bruit de... Voilà. Et de bruit de grignotage. Voilà, en donc... fait, je vais essayer de le faire fondre. Voilà, donc on ouais, va... On s'excuse d'avance, mais on avait envie de se mettre bien. Voilà, on est décontracté. Voilà. Très bien. Donc, comment commence-t-on? Comment tu veux commencer quoi? Oui. D'accord. Bah, je sais pas, on fait la petite... on commence par les news autres que les festivals qu'affichent, et puis après, on verra les affiches de festivals. Bah, pourquoi pas. D'accord, très bien. Vas-y, bah, t'en as une, balance-en une alors. Alors, le numéro 181 de Rockard. Ouais. Novembre 2017. T'arrives à bien le dire, toi. Ouais. Oui, c'est vrai, ça. Ouais, comment ouais, c'est une question d'habitude. Hmm. Je m'entraîne tous les matins. Donc, tu veux dire, nos copains. Voilà, c'est ça. On a plus. Tu viens de tuer 2-3 auditeurs. C'est obligé, parce que là, le. Désolé, il a pas fait exprès. Je viens de me tuer la main aussi. La main, ouais, très bien. Donc avec une interview de Tony Iommi, voilà. Donc après qui nous annonce pour la énième fois que Black Sabbath arrête. Ah bon? Ils arrêtent? Bah apparemment, hein, c'est la fin. Mais je croyais qu'ils avaient... Ça fait 7 ans que c'est la fin. Bah attends, parce qu'il y a quelque chose que... J'ai l'impression qu'il y a Ozzy Osbourne qui est en train de faire une tournée d'adieu. Bah c'est ça. Oui mais là du coup c'est pas Black Sabbath. Tu vois. Mais moi j'ai toujours entendu parler que. Ah non, Black parce Sabbath que. Non, Black Sabbath, mais justement, normalement, Black Sabbath ils ont fini. Donc là c'est autre chose, je crois aussi. Ouais. C'est pour ça que t'es sûr que Tommy Iommi il va pas nous. Écoute, on verra. Ça sort vendredi. Ça sort vendredi, de toute façon. Ça sort vendredi. Interview. D'ailleurs, on est un peu surpris que. Alors, pour toutes les fois où on vous a cité, Rockard, un petit abonnement. Juste un, on se le prête au pire. On se le prête. Voilà, c'est ça. Et on discute, mais c'est quand même. Hey, on a des toilettes en commun. On est des potes ou pas? Normalement, on est des médias. Je veux dire, dans le milieu, on doit se faire des bisbis un petit peu. Hein. Non, mais qu'est-ce que nous, on pourrait. Un paquet de. D'accord. Regarde, si t'écoutes ce podcast, la première bière, elle est pour nous, mec. Oh, je sais pas ce qui se passe ce soir. Ça, je vais retirer le casque. Ouais, la première bière est pour nous. Et voilà. D'accord. Donc ça, c'est déjà... Ah, pour toi. Voilà. La première bière est pour moi. Et puis la deuxième, bah, on vous la paiera. Ok, de mon côté, alors, je vais prendre une news. Une que je t'ai déjà un petit peu parlé, mon cher Bob. Fildi, à savoir Reginald Fildi Arvizu, le bassiste de Korn, va sortir un album solo de basse, vraiment de basse, hein, le 17 novembre avec trois autres membres de Korn qui vont venir. Il y a Ray Luzier, si je prononce mal, je suis désolé, Ray, à la batterie, qui viendra faire apparemment des bongos, des maracas, du tambourin et du djembé. Jonathan Davis qui va faire du. et des crêpes entre deux. Jonathan Davis va venir faire de la beatbox. Et Brian Ed Welch va venir à la guitare sur un titre. Voilà, donc il y a le track listing qui est sorti, tout. Il y a même une vidéo, donc on va dire du, je sais pas, on va dire un potentiel premier clip, ouais, qu'on a regardé avant de commencer. Donc moi j'ai envie de dire que c'était pas la peine. Je veux dire, je suis pour tout. Je veux dire, je pense que c'est une très bonne chose d'avoir plein de projets, de tenter des choses. Mais ce que j'ai entendu m'a pas du tout donné envie d'écouter le reste. Voilà. Moi je te dis non. La première minute, ouais, tu dis ouais, c'est original, c'est ouais, machin. Puis là, au bout d'une minute, deux, tu dis oh, dis donc, oh, ça en va. Fait, quoi. En fait, tu vois, pendant que j'écoutais ça tout à l'heure, je me disais, ça m'a rappelé à quel point, en fait, le premier bassiste de Metallica, Cliff Burton, était doué, en fait, ouais. et accessoirement mélomane. Et là, ça sonnait pas mélomane, ça sonnait un peu branlette de bassiste. Ouais. Je le mets là. Ouais. Donc, on est. De toute façon, il sait pas où t'habites. Déjà, j'espère pas. Et puis, de toute manière, j'ai un verrou sur ma porte. Donc, voilà. Accroche-toi, mon gars. C'est clair. Voilà. Donc, n'empêche, j'écouterai sûrement l'album parce que ça m'intrigue. Mais j'ai peur que ce soit pas très intéressant. En espérant que tout ne ressemble pas. Enfin, voilà. Ne se ressemble pas, quoi, tout simplement. Après, prendre Jonathan Davis pour faire de la beatbox, est-ce que c'est vraiment. Ah, bah après. Tu vois, fait ce qu'il veut, quoi. Ouais, non, mais je pense que ça aurait été. Sachant qu'il est bassiste, donc qu'il chante pas, ça aurait été peut-être cool, justement, d'utiliser d'autres chanteurs ou de faire. En fait, ouais, ce qui m'imaginait. Dans le côté corne et. Projet solo de. Non, mais plus en fait, faire un vrai album, que là, j'ai l'impression, si c'est vraiment que des espèces de mini solo de basse comme ça, ça va pas être un très. Enfin, ça va c'est pas un être... spin-off de corne, c'est ça. Bah, pas forcément, mais qu'il puisse prendre d'autres chanteurs ou d'autres gens. Il est pas obligé de le faire sur tous les titres, ouais. Tu vois, mais un autre. Ouais, je comprends. Après, voilà, moi, j'ai pas été emballé. En plus, il y a une espèce de. J'avais un peu l'impression qu'il essayait de faire son Primus un peu de temps en temps. Ouais, c'est. Un petit peu dans la manière de... Ouais. Voilà, mais bon. Après, je reconnais énormément ses talents de bassiste et je trouve qu'il apporte beaucoup à Korn. Bon, voilà. Ça m'a pas plu. Au revoir. À vous, mon cher Bob. Donc, moi, j'ai vu tout à l'heure aussi que les Guns, apparemment, seraient le 26 à Bordeaux, paraîtrait-il, au stade Atlantique. Vas-tu y aller? Alors attends, avant toute chose. J'irai certainement à Bordeaux, voilà, mais c'est pas ce que pour dire. Aller voir Guns N' Roses. Attends, parce que Bordeaux, c'est une super ville. Ben, c'est pour ça que j'irai plus à Bordeaux pour. Moi, j'étais en vacances, Bordeaux. Je te rappelle. Ouais. Et j'ai eu un coup de cœur pour cette ville. D'ailleurs, ouais, Bordeaux. Tu l'as assez répété. Si tu nous écoutes. Voilà. Ce serait bien de nous envoyer un abonnement. Même un abonnement, voilà, c'est ça. Non, mais par contre, Bordeaux, si t'as besoin, nous, on te fait un peu ta pub. C'est-à-dire, nous, on vient de voir. Je pense que suffit elle-même, il n'y a pas de soucis. Hein. Putain, j'étais en train de gratter. Ah oui, pardon, vas-y. Alors, Bordeaux, on vient dans ta ville et avec toi, on se fait un vrai coup de com', on t'invite au podcast, on discute tous ensemble et c'est gagné, mon gars. Bah ouais. Voilà. Ouais, on peut faire ça, on peut faire un podcast en direct de Bordeaux. Je pense que de manière à un moment donné, alors, j'ai pas envie de vous spoiler un petit peu l'avenir du podcast, surtout que Bob est pas au courant. Je pense qu'à un moment donné, on devra enregistrer ailleurs. Ouais. Ouais. Et ouais. Et tu ne seras pas là. Bah, non, mais si, mais on ira, je pense qu'on sera obligé. Genre, par exemple, on a dit qu'on diffusait les invités. Si on veut avoir des invités, il y a des invités, ils n'auront pas forcément envie de venir dans notre super local de répète, donc on sera obligé. Bah ouais, voilà. Comme Ben ou ça. Voilà, Ben par exemple. D'ailleurs, et Ben si tu les écoutes. Oui, parce qu'en fait, tu nous réponds pas trop. Alors, déjà, grand merci au Hellfest d'avoir liké nos tweets. Oui, c'est gentil. On est d'accord qu'on est un peu pareil, bon, vous faites un festival, on parle de votre festival, je veux dire, bon, c'est la même crème, hein. Maillère. C'est ça. Non, ça marche pas. C'est pas ça. Non. C'est la même quoi, là. On mange à la même cantine. C'est la même cantine. Du coup, ce serait peut-être temps de te manifester, qu'on puisse essayer de s'arranger, de trouver un accord. En plus, on a plein de super questions à te poser, hein, ouais. N'est-ce pas, Bob? Je t'en prie. Bah, la première, c'est toi, tu voulais la poser, c'était ouais. Quoi bah, je la poserai quand ils seront là. Tout à fait. Je veux pas non plus divulguer tout. C'est vrai, et après, c'est pour se soit repris par nos confrères de Rock Hard. Voilà. On les connaît, c'est les gars. C'est facile. Très très bien, donc c'est à mon tour. Ça fout, personne n'écoute. C'est le podcast des mecs qui sont tout seuls. Alors, bon, on aura un souvenir pour nos enfants. Écoute, c'est papy. On n'est pas payé cher, mais on rigole bien. C'est vrai. Bon, alors, Metallica. Voilà. Meilleur groupe de la Terre, s'il en est. Eh ouais, je m'en fous, moi. Participe au Band Together Bay Area, un concert de soutien aux victimes directes et indirectes des incendies qui ont ravagé la Californie du Nord cet été. Donc c'est un concert, donc tous les bénéfices iront aux victimes. Donc il y aura Metallica, Dead & Company, Jay-Z, Dave Matthews, Rancid. Hey Rancid. Ils ont sorti un nouvel. Attends, tu vas le faire, ton erratum. Donc le point intéressant dans cette news, c'est que déjà, si vous voulez donner, allez-y. N'hésitez pas à donner pour nous. Parce que... Surtout, ouais. Faut faire ça. On devrait organiser un concert de soutien. Ouais. Pour notre podcast. On pourrait faire ça, ouais. Ouais. Ou un mini-fest. Ouais, un mini-fest hein, qui s'appellerait... Road to... Non. Non. Fest to Road. Ouais. Ça colle pas. Non, On va chercher. Petit point intéressant, c'est que le concert sera retransmis en live sur la page Facebook du groupe, la chaîne YouTube et sur leur site officiel. Donc ça sera 1h15 de concert qui sera diffusé en streaming à 17h45 heure locale. Vous vous démerdez. Le 9 novembre, c'est-à-dire demain. Voilà, c'est ça. Alors, si ça se trouve, s'il y a un décalage, c'est-à-dire que pour ceux qui vont écouter, ça sera peut-être déjà trop tard, mais il y aura peut-être un moyen de replay. C'est ça. Je pense que sur la chaîne YouTube, Metallica, c'est pas forcément des bâtards. Ils mettent tout le temps des vidéos et donc il y a moyen de... Voilà. Voilà pour moi. Pour dire qu'il y a un live. Hein, Non, mais même qu'il y a peut-être moyen encore d'y avoir accès. Mais oui. Du coup, n'as-tu pas un erratum à nous faire, Bob ? Erratum et plum plum. Oui, car Bob a fait latin. Oui, tout à fait. On l'entend bien. Je vais appeler mon fils. qui fait latin. Hey. Et donc, ouais, pour la 45e fois, je disais que Rancid n'avait pas sorti d'album. Non. Tiens, la vache, putain. Ça, mais si, ils ont sorti une compil de ska, tu l'avais dit. Mais ouais, mais avant. Eh ben, ils ont sorti un album. Non. Donc cette année, ils en sont à deux albums. Bah en fait, ils ont fait leur compil de ska. Bah ça fait quand même deux scuds. Ouais, on va dire. Deux scuds, on va dire. Voilà. T'as vu ? Disque pour les vieux. Et moi, j'ai très bien. Alors, l'ancêtre des MP3 pour les très jeunes. C'est ça. Et oui, donc ils ont bien sorti un album que j'ai écouté et c'est du. Que j'ai acheté d'ailleurs. Ah oui, Et que j'ai mis dans ma voiture cette semaine. Ouais. Alors. Et que pour, c'est du Rancid. C'est ça. Voilà. Ouais, je suis entièrement. Pour les fans de Rancid. Voilà. C'est. C'est du Rancid. Ah voilà, il n'y a rien de nouveau, ils n'ont pas pris le moindre risque, ils ont fait du Rancid, voilà. Exactement. Donc si on aime Rancid, on aimera cet album. Voilà. Pas de surprise. Non. Mais voilà. Je trouve que c'est un débat hyper. Enfin, ça pourrait être un débat intéressant justement de savoir qu'est-ce qu'on attend de plus d'un groupe qui tente des choses ou pas. Tu vois, parce que. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un groupe devient plus grand, le fait qu'il ait tenté des choses et pris des risques ou le fait qu'il soit resté sur ses acquis en disant ils ont fait un truc qu'on aime ou pas, quoi. Après, il y a aussi le groupe qui tente des choses et qui se plante royalement. C'est ça, ouais. Bah ouais, mais donc qu'est-ce qui est le mieux ? Ça dépend en fait quand tu deviens fan et quand tu écoutes pour la première fois. Tu vois, parce qu'il y a toujours ceux qui connaissent depuis le début. Mmh. Et il y a ceux qui prennent en milieu de carrière. Mmh. Où, voilà. Donc du coup, il y a ceux qui découvrent le dernier album. Mais avant, il y avait 2, 3, 4 albums qui sont sortis. Tu vois. Mmh, donc ils achètent le 4e ou 5e album en se disant « Ah, j'adore, je vais écouter le... » Sauf que des fois, après, ils peuvent être déçus de ce qu'ils faisaient avant parce que c'est différent. Ceux qui connaissent depuis le début peuvent se dire « Ah ouais, bon, ils ont tenté, on peut les pardonner. » Et il y en a qui abandonnent. Ouais, mais justement, est-ce que l'idée serait de pardonner ? Si on prend par exemple l'exemple de Rancid qui a toujours fait la même chose et d'être jamais déçu, on peut aussi se dire que du coup, il n'y a pas forcément d'évolution. Après, je ne suis pas en train de dire que c'est mal, mais ça peut être surprenant. Si je prends par exemple l'exemple de... Je vais prendre deux exemples. Je vais prendre l'exemple de Metallica. Moi, je l'ai commencé sur la mauvaise période, c'est-à-dire sur Load et Reload. Pourtant, en écoutant Load et Reload, c'est ce qui m'a donné envie d'écouter les anciens albums. Après, je suis tombé sur Kill Em All et j'ai fait « Waouh !» Il y a eu un petit décalage entre les deux. Et j'ai refait tous les autres albums dans l'ordre. Et là, je me suis dit « Mais attends, mais avec Load et Reload, ils se sont plantés. Ils ont été dans un complètement autre truc. » Mais en fait, aujourd'hui, maintenant, je trouve justement leur progression cohérente et la prise de risque réelle dans le sens où, après Master of Puppets, faire déjà Injustice for All, c'était un peu un risque parce qu'il est déjà musicalement... Et même au niveau du son, au niveau de tout, il est un peu différent. Même si c'était une progression dans la continuité, mais il est un peu différent. Après, ils ont fait le Black Album, là, ils ont juste dit on vous emmerde, on fait ce qu'on veut. Et ils sont devenus ultra, pour certains, commercial ou vendus pour d'autres. Mmh. Ou juste, ils ont. Pour moi, je trouve que ça reste dans la continuité logique. Après, ils ont fait Load et Reload, qui est quand même une autre prise de risque assez violente. T'as des solos de blues, t'as des trucs. Après, ils ont fait Saint Anger, où il n'y avait aucun solo de guitare et un son de batterie dégueulasse. À la limite, je trouve que c'est celui-là où, pour le coup, qui est le plus raté dans la cohérence du groupe. Ouais. Mais et encore aujourd'hui, je trouve que sur leur dernier album, ils ont pris une certaine forme de risque en tentant des choses. Et que quand t'écoutes, autant t'écoutes Kill Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets, t'as un peu trois albums similaires dans la construction un petit peu. Alors tu peux même rajouter Injustice for All, où tu voyais que la quatrième chanson c'était une semi-ballade, semi-heavy, t'avais une chanson en fin d'album totalement instrumentale et tout ça. Donc tu retrouvais des similitudes et puis bah, tu voyais un peu des clones dans les chansons, même s'il y avait toujours un petit truc différent. Mais je trouve qu'il y a une évolution qui est plus intéressante sur la longueur, et je dis pas que c'est mieux, je me pose la question, c'est une question que je pose. Ou si tu prends un groupe comme Motorhead, qui a plus ou moins toujours fait pas la même chose, mais qui a, j'ai envie de dire, qui a presque raté les fois où elle a tenté de faire autre chose parce qu'elle est partie trop. Elle a perdu tout le monde en fait. Vois-tu ce que je veux dire? Et donc, du coup, mon deuxième exemple n'était pas Motorhead, c'est parce que je l'ai vu en cours, mais mon deuxième exemple était Korn, qui a quand même tenté de faire un album avec, avec Skrillex et d'autres DJ de. Bah, j'ai oublié le style de musique. C'est pas. Ah, meuble. Ah mais vas-y, dis ce que tu, qu'est-ce que tu cherches. Bah je cherche le style justement, donc meuble. Le style, comment ça? Meuble, je te dis. Bah le Stegosaur, tout le monde connaît. Ah bah tiens, si, sur la photo, ça va être plus simple. Le Smilodon. Ah si, on en a parlé la semaine dernière. Mais oui, tu l'as dit, ça. Mais, ouais. Mais non, mais ça, tu dis pas les choses. Celui-là, hein. Bah, celui-là, il a un nom à coucher dehors. L'Ichthyostega. Eh ben, on va en parler. Hein. Ben, c'est sans doute un des premiers amphibiens, 1 mètre de long, s'il vous plaît monsieur. Et ça se respecte. Eh ben totalement. À cause de ses pattes courtes et trapues, il se déplace avec maladresse sur le sol. Non. En gros, il se casse tailleur tout le temps. Et voilà. L'autre il est encore bourré. Plus à l'aise dans l'eau, sa queue est semblable à celle des poissons. Et ça. Et là, tu vas te dire, mais comment que c'est possible? Eh ben, ouais, moi j'avais envie de dire, mais comment c'est possible? Eh bien, de cette existence semi-aquatique et semi-terrestre, il se nourrit de poissons et d'insectes. Non. Eh ouais, mec, c'est comme ça la vie. Eh ben, c'est ouf ça, comment. le mec n'arrive pas à trouver. Il n'a pas écouté du tout ce que j'ai dit. Il est en train de chercher son truc. Ah ouais, non, mais j'arrive pas. Bon, bref. S'en fout. Mais si, tu sais, le truc, comme on dit là. Je ne vois pas, déjà, si tu me donnes pas de piste. Mais si, Skrillex. Ouais. C'est un DJ. Ouais. De quoi comme style? Ouais, d'accord. C'est pas de la techno, c'est. Du hardcore? Non, mais non. Ah, je connais pas Skrillex. Je mais oui, mais. Skrillex, moi, mais. Mais non, c'est l'autre. Pour faire du feu. Mais ah ouais, ça c'est bien. DJ de. Putain. Je vais pas trouver. Alors vas-y, donne. Non, mais j'ai trouvé, Google va me le dire au bout d'un moment. J'en ai rien à foutre. Hein. Moi, ça prendra le temps que ça prendra. Ouais, c'est ça. Mais. Eh bien, bonsoir et bienvenue sur Radio Tricot. Bah, de la dubstep. Bah, voilà, c'est ça, de la dubstep. Ouais, c'est vrai que c'est facile à trouver. Ouais, non, bah, c'est mais ça. Mais si, bon, alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc Korn, qu'ils ont fait un album mi-dubstep, mi-metal. Du coup, on est parti. Tu vois, ouais, non, mais ça va loin. Qui s'y connaît, ce mec? Mais c'est professionnel. Hein. Bah, bien regarde, sûr. Je suis dispo. du coup, c'est aussi une prise de risque quelque part, qui a perdu beaucoup de leurs fans. Ils ont dû revenir à un truc un peu plus eux-mêmes dans le dernier album, qui pour le coup, je trouve plus réussi aussi. Mais ouais, mais du coup, les fans ont forcément écouté l'album d'après. Avec... Oui, mais voilà, donc ce que je veux dire, c'est. Ils ont pas lâché le truc. Quoi. Mais donc, qu'est-ce qui est le mieux alors? Je sais pas s'il y a vraiment du mieux ou du moins mieux. Je sais pas si ça peut se dire. Bah toi, par exemple, est-ce que t'aimes bien quand un groupe fait des choses différentes? Bah, par exemple, Mastodon. Ouais. Qui est un groupe que... On va pas dire qu'ils font des choses différentes, mais je trouve que leurs albums, c'est souvent des albums thématiques. Bah apparemment, oui, c'est des albums concept un peu. Voilà, tout concept. Hein. Et du coup, des fois, ça change. Comme on en parlait, quoi, justement, du morceau... Show Yourself. Voilà, Show Yourself. Ouais. Qui était plus streaming. Mainstream. Mainstream, pardon. Streaming. Excusez-moi, on en parlait tout à l'heure. De streaming, c'est pour ça. Voilà. Qui est plus mainstream que les autres, voilà. Comme, voilà. Mais après, voilà, on peut rester fan. Moi, j'aime bien ce morceau. Même si, justement, il est plus mainstream, comme on dit. Mais j'adore quasiment la totalité des albums de Massonon et leur univers. Mais ouais, c'est vrai que ça a été... Putain. Ah ouais, ok. Tu sais, ce que je veux dire, c'est par exemple, quand t'as écouté le dernier Rancid, t'étais content de retrouver Rancid, mais est-ce que t'avais pas eu plus de, quelque part, de joie quand d'attente t'as écouté... Non, plus de joie quand t'as écouté le dernier Mastodon, disant qu'est-ce qu'ils vont me faire cette fois. Tu vois ce que... Ah oui, bah oui, parce que surprise. Je sais que justement, ouais, je sais que eux, ils ont ce côté-là, justement, ils aiment... est-ce qu'on peut dire prendre des risques, je ne sais pas. Non, mais je... Après, mais, je pense qu'il y a une démarche artistique derrière qui n'est pas forcément la même. Quoi. Et puis, c'est des mecs assez barges et assez créatifs, je pense. Bah, il y a de ça aussi, mais... Très après, c'est, voilà, si on prend l'exemple vraiment de Rancid, où ça fait quand même un petit paquet d'années qu'ils sont là, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où ils peuvent se dire aussi, hey, les gars... Après, ils font du punk. Oui, non, alors pour le coup, c'est vrai que ça change. Ouais. C'est pas évident de créer quelque chose vraiment dans le punk. Non, et puis surtout, en plus, que le punk s'en bat les couilles, donc la question se pose pas, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Très, très bien. C'est totalement ça. Voilà. Eh ben, écoute, non, mais tu vois, ça m'a fait un peu le même effet que le dernier album de 46 Crazy Fist, où je t'avais dit, c'est un bon album, mais c'est la même chose. Ouais, machin, bien sûr. Et c'est vrai que moi, pour le coup, une fois l'album terminé, je m'étais dit, je suis content. Oui et non. Voilà, oui et non. Alors que, tu vois, In Flame qui a tenté un truc sur leur dernier album, j'ai dit non. Non. Non, c'était merci. Ah, mais peut-être que le prochain album sera oui. Ouais, donc, bah... Après, si on est fan d'un groupe... C'est ça. Mais c'est pour ça que c'est ça où... C'est toujours le dilemme, quoi. Si t'es fan d'un groupe, forcément, tu vas essayer de suivre ce qu'ils font quand même, quoi, même s'ils se plantent sur un album. Toi, par exemple, on en parle à toutes les émissions, mais qu'est-ce que tu attends du prochain Machine Head? Tu vois? Bah ouais. Ah. Parce que ça, c'est un groupe qui a un peu tenté aussi plein de choses. Alors, j'aimerais qu'il soit... Oh la vache, ouais, c'est compliqué. En CD, du coup, t'aimerais parce que... Ouais, j'aimerais qu'il soit en CD. Ouais, moi aussi. Ça, c'est une putain de bonne idée. Il devrait inventer un truc comme ça. Où... Un format. Ouais, un format où on pourrait écouter la musique. Un peu partout. Comme ça, chez nous. Ouais, c'est bien. Ce serait sympa. Faudrait y penser. Ouais. Gardons-nous par nous, pour nous, pardon. Parce que voilà, c'est ça. Oui, hein, parce qu'après, les idées... Du coup, t'avais quand même écouté une chanson qui potentiellement devrait être sur le prochain album, je t'avais... Je pense, ouais. Et du coup... Et que j'approuve. Hey Rob. Rob. Si tu nous écoutes... Tu nous écoutes parce d'ailleurs, que d'ailleurs, c'est assez frustrant de suivre la page Facebook du groupe, je trouve, parce que tu vois plein de photos de Rob qui fait le tour des promos pour faire la promo de Catharsis. Et on n'a rien à se mettre sous la dent, donc c'est un peu... C'est ça, ouais. Alors qu'il y en a, ils ont dû l'écouter, en tout cas, ils en ont parlé. C'est quoi. Des petits... D'ailleurs, j'espère que dans le record de ce mois-ci, ils vont en parler. Je sais pas, j'ai vu des... Le sommaire. Ouais. Et ils en... Non ben, j'ai pas vu Machine Head. Putain, les bâtards. Ouais, alors, peut-être que j'ai mal vu, après, c'est... Bon, j'ai vieilli... Puis tu manques de lumière aussi. Hein. Et c'est je ça, manque de lumière. Il habite dans une cave et... C'est ça. Un peu, ouais. Bah écoute, je pense qu'on a plutôt... On a fait le tour. Non, pas des news. Ah, non, pardon. Non, on en a encore normalement, non? Bah ouais. Ah, c'était à moi? Oui, t'as fait ton erratum là. Bah non, donc du coup, c'est à toi de faire la news. Ah ouais, d'accord. Non, bah tu veux que je la fasse? Très bien. Alors, Trivium sera en France le 13 avril 2018 au Bataclan. Ouais. Wouhou! Voilà. Eh ben, je dois dire que ça me fait plaisir, mais que je ne sais pas si j'irai encore, parce que le prix n'est pas encore annoncé. Je pense que Richard ira. Je pense que Richard ira, ouais, ouais, ouais. Et tu sais quoi? Je pense que je vais essayer d'y aller avec lui. Je vais essayer de l'emmener sur ce terrain-là. Écoute, mon gars, allons les voir. Ben voilà. Tu sais, c'est un vrai. Normalement, il ira, il aime les concerts, tout ça. Non, ouais, donc ils seront... Alors, j'ai pas réussi à retrouver le groupe avec qui ils étaient. Je crois qu'ils sont avec Code Orange et deux autres groupes. Mais ça commencera à 19h. Il y aura une prévente des places demain, je crois. D'accord. Ou demain. Alors, il doit y avoir une prévente Live Nation, encore eux. Ils sont partout. Quoi. Demain et vendredi, les vraies mises en vente. D'ailleurs, je voulais revenir un peu là-dessus, mais on en parlera peut-être tout à l'heure avec les différentes affiches. Mais Live Nation sont partout. C'est impressionnant. Ouais, ils sont vraiment... Toi, Trivium, normalement, ils n'étaient pas avec eux. Donc, j'ai l'impression, en fait, maintenant, dès qu'un groupe arrive, ils se retrouvent... C'est en même temps, ils font ce qu'on appelle l'école Amazon. C'est... Ouais. On devient les maîtres du monde, puis après, on fait ce qu'on veut. Ouais, c'est ça. Voilà. Et on vous emmerde. Et on peut rien dire. Alors qu'un VIP Ara, c'était nickel. Oui, oui, non, mais après... Attends. Ouais. Attends, ok, voilà, ça c'était la news la plus importante de la soirée. Je pense qu'on peut couper le podcast. Merci beaucoup, voilà. Au revoir à tous. Bonne soirée. À toi donc. À moi. Ben moi j'étais sur El Royce qui a fait un petit pop pop pop pop pop pop. Qu'est-ce qu'il y a? El Royce. Qu'est-ce qui quoi? Parle-en un petit peu parce que les gens ne sont... connaissent peut-être pas. Vous connaissez pas El Royce? Si les gens connaissent El Royce. Peut-être pas. Mais si les gens connaissent El Royce. Écoute, El Royce connaît les gens. Voilà. Et donc, on a eu la petite surprise ce matin. Putain, mais parle de groupe. Mais je vais en parler. C'est un groupe nantais. Voilà. Voilà, de stoner metal. Voilà. Qu'on a eu la chance de voir, moi. Et pas moi. Et ma tante. Voilà. Ah. Et donc voilà, non, très bon, très très bon. Des mecs super sympas en plus, parce qu'on a fait une petite partie de la soirée après avec eux. C'était plutôt cool. C'était au bazar à Saint-Lô. Au bazar à Saint-Lô. Au mois de... Ouais, c'est ça. À peu près. Hein. Ouais, c'est ça. Non, c'était avant. C'est vrai. Ouais, ouais. Et non, alors, c'était qui qui était en... Ils étaient en, ils en tête étaient avec Missing Mile. Mais ils étaient en tête d'affiche. Non, ils jouaient avant. Ouais, ils jouaient avant. C'était Missing Mile, je pense, qui avait invité El Royce à venir. Parce que Missing Mile étant un groupe du coin. Ouais, mais je sais pas comment ça marche, en fait. Mais oui, tu as raison. Bah non, parce que là avec Missing Mile et City of Mars était en tête d'affiche. Ouais, mais c'est quand même Missing Mile, je crois, qu'ils les avaient invités à jouer. J'ai rien dit, vas-y. Continue. Je pense que c'était plus une question de... De notoriété? Ouais, enfin, peut-être de respect du groupe, ou un truc comme ça. Peut-être que, voilà, tu sais, ils se respectent entre eux. Hein. C'est, je pense c'est même qu'ils sont amis. C'est... Ouais, mais et, tu sais... Mais alors, je pense parce que, et totalement... tu sais pourquoi je dis ça? Parce que, oui. Est-ce que tu vas parler de la tournée à venir? De la tournée? Parce qu'ils font... Enfin, ils font une espèce de... Ils font des espèces de concerts. Ouais. Ouais, pour leurs 15 ans. Donc t'allais en parler? Bah ouais. Ah bah vas-y. Grosso merdo. Ah bah écoute. Donc pour faire... Bah voilà. Pour fêter leurs 15 ans, ce matin, ils ont organisé un petit jeu concours. C'est vrai? Voilà. Cool. L'initiative excellente. Donc de faire gagner tout leur discographie plus... Waouh. Un petit... Oui, je suis Hector. Tout studio. Petit mignon. Donc voilà. Donc là, t'es parti regarder, il y avait quoi dans la discographie? Alors, il y a, si je me trompe pas, deux EP. Ouais. Deux albums. Mm-hmm. Un vinyle. Oh oh. Hey. Donc c'est ça. Deux EP, trois albums. Mm-hmm. CD. Un LP vinyle. Mm-hmm. Plus un tote bag. Voilà. Donc, bah, c'est plutôt sympa. Moi, j'avais acheté sur place deux albums. Le dernier album et je n'ai plus le nom. Qui est celui-ci. Voilà. Mais je n'ai plus le nom, je vous le donnerai certainement incessamment sous peu. Mais non, très très bon, j'adore, enfin moi j'aime bien, c'est vraiment... Bah ce que j'avais écouté m'avait bien plu aussi, ouais, hein. Tu m'avais fait écouter, ça que c'était pas mal. C'est pas mal. C'est... Après je sais plus s'ils sont avec Desert Rock, si je me trompe pas. Ouais. Et voilà, petite maison de production, oui, hein, qui font pas mal de groupes un peu dans l'esprit metal, stoner... Du côté de Nantes aussi, du coup, bah, qui sont de totalement, Nantes, hein, okay. Totalement à Nantes. Et d'ailleurs, pour leur concert des 15 ans, il y aura Missing Mile. Ouais, ils seront à la scène Michelet. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très sympa parce qu'ils font un concours de tirage au sort, donc de likes, de partages et de répondre à une question. Et ils donneront les lots sur le lieu. Sur place. Voilà. Voilà. J'ai trouvé ça très sympa. Ouais, carrément, j'ai trouvé l'idée voilà. Excellente. Donc c'est un peu cool de dire, voilà. Donc voilà, donc bah c'est des amis. Hein. Bah c'est complètement des amis. D'ailleurs, les gars, vous venez quand vous voulez. Hein. Exactement. Alors là, ça nous fera extrêmement plaisir. Bien sûr. Bah du coup, vous aurez peut-être un petit peu de route. On fait mi-chemin chacun. Bah voilà. Sur dire, est-ce qu'ils font, s'ils font un concert dans le coin. Ouais, voilà, ils font. Ils viennent avant, par bah, exemple. Bah c'est ça. Quoi, et puis ou histoire après. Histoire de se détendre. Mais voilà, ou alors vous nous invitez gracieusement à un truc. Voilà. Et à un concert, par exemple. Ouais. À la scène. Michelet. Ouais. Ouais, mais du coup, faut qu'on y aille, c'est compliqué. Bah, c'est pas grave ça. D'accord. Bah, en fait, voilà, en fait, comme vous voulez, les gars, nous, on est partant pour vous interviewer. Vous pouvez parler de votre groupe. On est plutôt cool, on aura de la bière. Enfin, là, du coup, si on vient à votre concert, on espère que c'est vous qui aurez la bière. Parce que, bon, voilà. Héros. C'est clair. Un prix de l'essence aujourd'hui. Vous avez le prix du beurre? C'est scandaleux. C'est ouais, mais il y en a. Attends, plus, de toute façon. Mais j'ai été acheter des gâteaux aujourd'hui. Ouais. 4 gâteaux. 10 euros. Oh là là. Ah ouais, non, mais je suis reparti. Ah, il se mouche pas avec le coude quand même. Bah, et parce qu'on peut pas, je t'ai déjà expliqué tout à l'heure. Ça bloque au niveau de. Ok, en tout cas, très très bonne initiative de leur part, c'est très cool. Petit et jeu puis, concours, El Royce. C'est vrai que moi j'aimerais bien les voir en concert. D'ailleurs, est-ce que tu as la date du concert? Parce que tant qu'on y est. Alors, je dois avoir ça. J'avais pas noté. Hein, vraiment, j'ai pas noté. T'as pas pu tout noter hein, quand même. C'est pas possible. Non, parce que. Le 11-11. Ah merde! Eh hey, c'est bientôt, mais c'est. Voilà. Ah bah oui, mais du coup, ça va être un peu short. Ouais. Parce que du coup, ça doit tomber genre samedi. C'est ça. 8-9. Ouais, c'est ça. Cool! Alors les gars, faut nous inviter rapidement parce qu'il faut s'organise. Bah voilà. Donc Elros, spécial guest, donc on ne sait pas qui. Vas-y, il y a Missing Mile. Il y a Missing Mile, il y a Solar District, mais il y a spécial guest. Donc il y aura quelqu'un. Peut-être Road to Hellfest. Peut-être! C'est ça. Ça serait trop. On ne vous dit pas tout. Non, voilà. Donc, en tout cas, on salue l'initiative et surtout, encore une fois, les concerts comme ça, faut y aller. Et c'est Black Desert. Voilà, c'est Black Desert. Parce que tout à l'heure, je ne sais plus ce que tu as dit. Non, j'ai dit Nicolas. Desert Rock. Très bien. Alors, tant qu'on est dans les concerts, on continue avec le 18 novembre, cette fois, au Portobello Rock Club à Caen. On en a déjà parlé la semaine dernière, mais j'en parle avec certitude cette fois parce que Étienne avait n'était pas trop sûr de lui. Je me souviens, il était un petit peu hésitant. Tu vois, ouais. Bon, il était intimidé par le fort charisme que de toi et de moi. Tout à fait. Et donc, donc Étienne, batteur par intérim de Dead Blast, sera présent. D'ailleurs, voilà, pour tous les fans de Road to Hellfest, Étienne sera là-bas. Je veux dire, si vous voulez le voir, notre invité sera là-bas. Voilà. Ouais. Peut-être qu'on y sera aussi. D'ailleurs, on n'en a même pas parlé. Mais... Bah voilà. Pourquoi pas. On verra. Donc d'ailleurs, Dead Blast, si vous voulez venir... Vous êtes le bienvenu. Ah oui, c'est, d'accord, ça nous ferait plaisir de vous avoir parce que, ils ont quand même fait les conquérants Metal Fest. C'est vrai. Ce qui est plutôt bien. Donc du coup, 18 novembre à 19h30 au Portobello, Rock Club à Caen, trois groupes, Stronghold, Brutal Death, Wild Thrash Death et Dead Blast du Thrash Death Mélodique. Trois groupes pour une soirée, c'est plutôt cool. Bon, ouais. Donc, ça passe une bonne soirée. Ouais, je pense, ouais. Même si après, le Brutal Death, faut aimer, mais bon. Ouais, mais tu te mets loin. Ouais, parce que c'est violent quand même. Le robard. C'est un petit peu de la bagarre. Bah, c'est ça. C'est ça, donc. Donc, ouais, d'accord. Donc, en tout cas, voilà. Donc, El Royce d'un côté ce week-end. Voilà. Week-end prochain, Dead Blast. 11 novembre. Avec un peu de chance, d'ici là, on aura peut-être des news du Hellfest. En attendant, on aura peut-être des choses à vous dire de ces concerts ou pas. Enfin, partez plus sur ou pas, quand même. On ne veut pas trop vendre la mèche. Non. Voilà. Hey, à voilà. Toi. Dimmu Borgir. Vas-y. Dimmu Borgir. Donc, j'ai vu ça tout à l'heure. Hey, Dimmu Borgir. Tu aimes bien Dimmu Borgir? Je suis un grand, grand fan. J'adore le synthétiseur. Et moi donc. Donc on a vu tout à l'heure Dimmu Borgir qui ont annoncé sur le site du management, de management, qu'ils seront présents au Hellfest. Non, surprenant ça. Bah je ne sais pas. Comment c'est possible? Bah après, pour ma part, je m'en fous. Mais bon, les mecs ils balancent alors que l'affiche est pas encore... Bon, oh, voilà. L'année dernière, d'autres l'ont fait. C'est vrai? Oui. Rob Zombie avait fait ça. Oui, mais c'était une connerie. Bah, preuve que non. Monumentale. Une boulette, tu veux dire? Non, je sais plus, il y avait un mec qui avait créé cette affiche-là. Et Non, c'était Rob Zombie, il avait dit, ouais, on serait trop content d'être au Hellfest ou un truc comme ça. Bah, il était. Ah oui? Bah, il avait raison. Non, mais. Dimmu Borgir, voilà. J'ai pas grand-chose à en dire non plus. Hein. Par exemple. Eux, je veux dire, s'ils prennent des risques musicalement, ils enlèvent le synthé. Voilà, ils enlèvent le synthé par exemple. Ils font, ouais. Ils se prennent des gros risques quand même. Pour, je pense. Est-ce que toi, tu serais choqué ou tu te dirais merde, c'est chier quoi. Je sais pas si j'ai déjà raconté cette anecdote ici de Dimmu Borgir qui était passé sur Canal+. Ah, je crois, ouais. Ah ouais. Ouais. Où, en fait, ils ont annoncé Dimmu Borgir, j'ai écouté, j'ai dit, ah ouais, c'est pas pour moi. Puis à la fin, ils disent, voilà, ils viennent de nous jouer deux morceaux, et moi, j'avais pas capté qu'il y avait eu deux morceaux. Donc, ouais. Exact. Donc, et puis, et pourtant, j'avais acheté l'album. Merde! Mais non, mais parce que je voulais. Ouais. Tu sais, c'était le double album, l'un des plus connus, celui qui a vraiment marqué le début de leur ascension. Je crois voir. Bah oui, parce qu'il est assez connu quand même. Ouais. Et à l'époque, j'ai acheté beaucoup de trucs vachement variés pour écouter. Des trucs vachement variés. Parce que je suis un mec de la variété. Hey, oh ouais, c'est balance qu'elle se rend si tu nous regardes. Ah Ok. On a le public comme lui. Désolé. Ok, désolé. Allez. Oh, professionnel ou pas? Ah bah grave. Attends, hey, okay. Je peux dire que si on continue comme ça, Rockhard et Ben Barbeau, hein, ils vont bien rigoler. Alors, donc à moi. C'est sûr qu'ils vont bien rigoler. C'est quoi ces guignols? On n'est pas toujours comme ça, parce que là, on est fatigué, on a une semaine difficile. Nestlé, je sais pas trop. Alors, secours! Au secours! Ah, bien. Ah merde, ah, t'as niqué la blague. Alors, on en parlait la semaine dernière avec Richard, qui disait que son chanteur préféré était Phil Anselmo. Ça se prononce pas comme ça. Secours? Ouais. D'accord. C'est assez compliqué à prononcer. Ouais, bah secours, c'est très bien. Score! Non, c'est un truc, je sais pas, moitié. C'est marqué en fait. Je sais pas quoi. D'accord. Ouais. D'accord. Mais en tout cas, bref, Richard en parlait la semaine dernière comme étant son chanteur préféré de la vie. Mmh. En la personne de Phil Anselmo, ancien pas, chanteur de Pantera, mmh, de Super Joint Ritual, oh, ouais, de Down. De Down, où il doit bien voir encore un ou deux trucs que j'ai laissé de côté. Il y en a une bonne dizaine, ouais. Ouais. Et donc, son dernier projet en date, à savoir un projet de black metal, qui a déjà sorti un album, je crois, l'année dernière. Mmh. Et là, le 3 novembre, il a sorti un EP de 6 titres pour un total de 15 minutes. Et j'ai fait écouter vite fait à Bob tout à l'heure. Hein. Ouais, ouais. Et ben, au secours. Ah bah, c'est mon groupe de la vie. Bah, pas moi. Non, franchement, j'aime pas du tout. Je trouve en fait, autant l'année dernière, j'avais pu écouter un peu de black metal à travers justement nos tirages au sort. Et j'avais pu trouver des trucs intéressants. Intéressants. Black metal? Ouais, bah, j'avais. Comment il s'appelle, Death Heaven, que j'avais bien aimé. En ah, d'accord, donc okay, ouais, pour moi. Si, ouais, non, c'était justement la grosse surprise que j'avais eue, c'est que j'aime bien. Voilà. Mmh. Et que j'avais même été les voir au fest. Hein, et ils ressemblent pas du tout à un groupe de black metal. Ouais, ouais. Mais, en même temps, Phil Anselmo non plus. Bah, ils sont pas, ouais, ouais. Bref, et pour le coup, là, je trouve que c'est vraiment du black metal classique de chez classique. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est vrai que je trouve aussi que Phil Anselmo, il ressemble pas à un groupe de black. Il pourrait, il a la carrure. Hein. Ouais, avec pourrait, tout ce qu'il fait, de toute manière. Il vaut, ouais, bonjour, je suis un groupe de black metal. Vas-y, je t'en prie. Okay. Non, voilà, donc j'ai pas du tout aimé. C'est pas pour moi, déjà de base, mais je trouve que vraiment, c'est du black metal dans le côté. Est-ce que ça a plus cliché, quoi. Ouais. Voilà. Voilà. Voilà. bon. News flash, on fête les 37 ans de Ace of Spades. C'est vrai? Voilà. Ah, joyeux, ouais, anniversaire, Lémi. Très bien. Ben Lémi. Si tu nous écoutes. Oui. Pourquoi pas? Peut-être. Hein. Et si Pascal Sobran nous écoute, j'espère que Lémi nous écoute. Ah, ouais, on parle pas anglais. Bah, aussi. Surtout Lémi. Plus que Pascal Sobran, du coup. Ouais, il était assez métal dans sa tête. Tu crois? Non. Non, non, ok. Donc voilà. Mm. Ok. De la chanson ou de l'album? De l'album. Ah voilà, ah, bah, tu vois, fallait être précis. Ah oui, pardon, autant pour moi. J'ai plus de news. Ah merde. Bah non, non, ouais. Voilà, non, j'ai pas. Après, je passe au fest. Ah, j'ai une news flash, Christophe est complet au Normandie. Oui, c'est ce soir. Hein. C'est ce soir. Donc vraiment. Si vous voulez, faut y aller. Ah, galer. Voilà, bah, alors attends, parce que là. Je pense qu'à mon avis. Ah, c'est mouru, je pense. Ah bah, je pense aussi, parce que. Oui. C'est dommage, j'ai encore vu des ventes de places sur la page Facebook tout à l'heure. Ah ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Je pense que l'ambulance a dû l'emmener. Ah merde, bah, du coup. Oui, parce que bon, il avait les mots bleus quand même. Donc, Bah, c'est ça, ouais. Attention, c'est quand même les vertiges du chaos tour. Oh merde! Ah oui, non, mais. Ça tabasse, quoi. C'est métal. C'est bah, métal. Ouais. Très très bien. Bon, à savoir donc, oui, que c'est les rendez-vous Sonic. Ah ouais. Et oh. Parle Régio. On est un petit peu. Petit voilà. Moment régional. Donc, les rendez-vous Sonic sont une espèce de festival de différents concerts à travers la ville qui n'intéresseront aucun d'entre vous. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a Christophe et il y a. Petit aparté, il y a Matt Bastard que j'ai vu au Hellfest. Ouais. Ouais, il était avec, je t'avais pas, monsieur, je t'avais dit, je l'ai vu pendant le concert de après ou ouais pendant le concert d'Ultra Vomit, quand je suis sorti de la du pit. Ouais. Je l'ai vu, il était là avec un gros garde du corps black. Ouais. Pour le puis il est reparti après dans les coulisses. Ah oui, tu m'avais dit. Ouais. Voilà. Ouais. Et du coup, je suis assez surpris parce qu'il va jouer à Harplume. Ah ouais. Ouais, donc je me suis dit c'est un peu petit quoi. Avec le tout seul parce qu'il a un groupe. Enfin, il est tout seul maintenant. Ah oui, d'accord. Ouais. Il a quitté son groupe. Qui était oui c'est ça la musique d'Evian The ce mec. Skip the Use. Skip the Use. Voilà, et les autres membres de Skip the Use. Mais non, c'est pas ça. Bah non. Et Skip the Use ont formé un autre groupe de No Face qui était à Arras. Tu sais, ceux qui portent une croix sur le visage et qui est une chanteuse. Oh putain. Mais oui, mais tout est lié. Tout est lié, mec. Oh la vache. Conspiration. Ah, mais c'est ça. C'est ça. Ah, c'est les Illuminati. Complètement. Mais donc du coup, je trouvais ça un peu. Alors, je respecte énormément Harplume. Hein. Si vous écoutez, je vous respecte énormément. C'est des conneries. Non, c'est pas vrai, je les respecte. Ils m'ont mis le pied à l'étrier à un moment donné quand je montais le cheval. Mais il faudrait mater l'autre maintenant. Bah, c'est-à-dire tout seul. Parce que là, tu te fais un peu traîner par le cheval. C'est une métaphore de la vie ou t'essayes de me dire quelque chose? T'essayes de me dire quelque chose? Non, T'essayes de me faire passer un message? Je vois bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Matt Bastard me semblait un peu gros. Je l'aurais vu plus dans Fur à Normandie, par exemple. Plus. Non, t'allais dire. Ah, tu le verrais nulle part, d'accord. Non, pas du tout. Non, c'est pas... T'allais dire plus. Je le trouvais plutôt sec, mais après, c'est. Ouah, d'accord, c'est une blague sur le physique. Tu sais, parce qu'il est. Mais non, mais gros, j'avais pas compris au début. Je le trouve plutôt gros, mais gros dans le sens gros, genre, qui passerait plus sur une scène voilà, plus importante. Voilà, c'est ça. Mais après, peut-être. Enfin, voilà, non, mais je trouvais ça. Je trouve que ça, en plus, aucun rapport avec notre podcast. Et aucun ouais, truc. Mais carrément, là, mais on est complètement dévié. On s'en fout complètement. En même temps, voilà. Christophe est complet. Hein. Christophe est complet. Et ça, mec, c'est bien. C'est GG, j'ai envie de te dire. Ouais. C'est good game. Ouais, GG. Carrément. Ouais, non, mais ça, c'est un truc de gamer, faut connaître. Bah, je connais. Ouais. Une autre news, peut-être, Bob. Ouais, tu fais. Une réédition de deux albums de Sepultura, Chaos AD et Roots. Donc, ce qui sera toujours mieux qu'un nouvel album de Cavalera Conspiracy. J'ai vu un truc passer, je sais pas si tu l'as vu sur Facebook. Ouais, vite fait, ouais. D'une chronique d'un ancien album de Cavalera où il le défonce l'album. Le deuxième, je crois, ou le troisième. Ouais. J'ai quand même été lire leur critique. Mais j'ai pas lu. Bah, c'est marrant parce que vraiment ils disent que c'est pas bien. Ouais. Non. C'est un peu ce que je pense aussi. Non, mais après, c'est bien. D'ailleurs, du coup, c'est quel album de Sepultura? Chaos AD. Chaos AD et Roots. J'ai un avis partagé sur Roots. Ouais. Autant Chaos AD, je l'ai adoré, mais de bout en bout, franchement, qui était vraiment un très bon album. Et tu vois, bah, ça aussi, regarde Sepultura à l'époque évoluer. Ouais. Quand on voit ils ont commencé très jeunes aussi. Ils ont commencé très jeunes, ils ont commencé dans un style beaucoup plus extrême. Ouais. Et Chaos AD était vraiment une bonne réussite. Et Roots, ils m'ont un peu perdu, moi. C'est peut-être de là qu'est né dans la tête de Max. Je sais pas. Bon, ce qui est marrant de voir par contre aujourd'hui, c'est que maintenant, et ça les gens ne le disent jamais, mais il faut le dire, le chanteur actuel de Sepultura a fait plus d'albums que Max Cavalera. Oui, en tant que Sepultura. En tant que Sepultura. Ouais, ouais. Derek Green. Et c'est assez amusant. De quoi, qui s'appelle Green? Non, qui a fait plus d'albums aujourd'hui, et que personne ne le sache en fait. Parce que des blagues comme ça, moi, j'aime pas. Non, c'est vrai qu'il faut pas faire de blagues sur les noms de famille parce que. Non. Et on se perd. Oh là là. Alors. Ouh. La patate. Jingle. La patate. Pour enchaîner. Je suis désolé, je vois un peu du rire. Je trouve non, mais écoute. Mis un truc. Moi, on me dit tu fais un jingle, tu fais un jingle. Okay, donc, vas-y, donc cool. Qu'est-ce que t'allais dire? Rien en fait. T'as fini? Non, j'ai pas fini, mais. Mais non, mais après, je te dis, j'ai fait la découverte d'un petit groupe tout à l'heure. Écoute. Non, parce que je pense que les affiches vont après nous faire discutailler. Tout à fait. Donc, mon dernier truc, en plus, c'est mon dernier truc. J'ai vu aussi une petite nouveauté. Alors, je sais pas si c'est une nouveauté ou pas. Du groupe Vitriol. Enfin, dans le sens nouveauté. Oui, non, mais parce que j'ai vu une nouveauté, je sais pas si. Pour ma part, une nouveauté pour ma part. Tout d'accord. Après, est-ce que le groupe en lui-même est nouveau ou est-ce qu'il. On laissera les gens faire leur propre avis. Démarrez-vous. Voilà. Si vous aimez Morbid Angel, Hate Eternal, Nile et Gojira, vous aimerez Vitriol. Mais ça a l'air génial. C'est ce que j'ai lu. Ça a l'air génial. Voilà. Donc j'ai écouté Vitriol. Album sur El Trasher Productions, et non, ce n'est pas un groupe. Je vous conseille plus, voilà, pour les fans de death metal, d'écouter Vitriol, Pain Will Define Their Death. Ah oui, d'accord, parce qu'il y a, voilà, d'accord. Il y a deux Vitriol, en fait. parce que l'amalgame est possible. Voilà, donc j'ai écouté j'ai été vite fait sur YouTube écouter, comme je te disais tout à l'heure. Oui, tout à fait. Vitriol, oui. Et je me suis planté de gros. Je me suis dit, putain, les mecs, ils font une pub. C'est quoi, Nile, Gojira? Je vois pas du tout le rapport. Et en fait, je suis tombé sur YouTube. Et en fait, le nom, là, c'était Feed the Devourer. Voilà. De Vitriol, le même nom. Mm-hmm. Sauf que c'est pas du tout ça, quoi. Le Vitriol que j'ai écouté après par rapport au lien de l'article, là, je me dis, ah oui, forcément. Là, en même temps, oui, pourquoi t'as pas pris le lien de l'article? Bah parce que je me suis dit, tiens, je vais aller voir s'il y avait plusieurs albums. T'as voulu faire le mamin. J'ai voulu faire le mamin. Mais par contre, je vous conseille quand même d'aller voir sur YouTube le premier groupe. Le premier groupe, ah, franchement. Donc c'est Assimilation Blood, Feed the Devourer, entre parenthèses, Vitriol, entre parenthèses, GER, GER. Voilà. Donc, pour ma part, je trouve la musique très carrée, le chant est propre, hein, les paroles qui donnent à réfléchir. Écoutez, et après, allez voir plus justement Vitriol, Pain Will Define Their Death. Donc après, littéralement. On peut noter quand même une certaine forme de journaliste d'investigation qui va au bout des choses, qui c'est se ça. Plante, qui le reconnaît. Totalement. Et qui, en plus, du coup, se permet de dire d'avoir deux conseils. Allez écouter les deux. Voilà. Très très bien. Tout à fait. Moi, c'est ça que j'aime dans ton professionnalisme. C'est pour ça que je t'ai embauché, mec. Alors, parlons un petit peu du Mutukultor, qui, à cette heure-là, précisément, a vendu 97% des passes 3 jours. Passes 3 jours vendues au prix de 75€. C'est plutôt une bonne performance. Exact. Et en plus, ils ont déjà commencé à afficher, eux, leur tête d'affiche. Oh, oui, il y avait un pic. Je sais pas s'il est passé ou pas. Lequel? Le E. Ah, écoute, j'ai pas envie de... Ouais. Voilà. Donc, pour l'instant, ils ont annoncé 5 groupes, à savoir Cannibal Corpse, du Brutal Death Metal, Ultra Vomit, aucune idée. C'est un petit groupe. Angelus Apatrida, du Trash Metal espagnol, Necro Witch, du Death Metal français, du côté de Valence, et Blocos. Alors voilà, du coup, je vais pouvoir faire mon histoire qui est un peu similaire à la tienne. J'ai voulu écouter ces différents groupes. Mm-hmm. À savoir que, pardon, Blocos, c'est aussi des Français qui sont de Nancy. Donc, j'ai été écouter Blocos et en fait, je suis tombé sur deux fois Blocos qui n'était pas le bon. Yeah. Comme je t'ai fait écouter. Mm-hmm. Et en fait, c'est parce que c'est Blocos Grindcore. D'accord. Du coup, Blocos. Et oui, ce que tu m'as fait écouter, effectivement, ça n'avait rien à voir. D'ailleurs, j'ai un petit doute. Je pense pas que ce soit ça le vrai nom. Tu sais ce qui serait sympa? Je sais pas, genre. Ça serait sympa que tu me menuisier. S'il te plaît, Tiens, regarde. Attends, parce que je. Regarde, non, mais regarde. Ah, qu'est-ce que tu as montré? Mais si, regarde. Je veux bien que tu me montres des trucs. Ah, tu vois. Je veux juste te vérifier un truc. Attends, je vais me le répéter plusieurs fois pour bien le prononcer. Oxyaena. Ah voilà, donc genre, ah, c'est bon. Alors, j'ai carnivore, long de 1 mètre, il s'attaque à des herbivores lents, étant lui-même peu vif. C'est ça. Mais ça se voit, là je pense, tu vois, ça c'est... Ah oui, il peu vif. Une compagnie des stoners, ça. Très bien, donc je reviens sur ce que j'ai dit, ce n'est pas du tout Blocos, mais Blockhead. Mais du coup, bravo. Sur l'affiche, regarde, sur l'affiche, c'est bien marqué Blockhead, sans rien d'autre derrière. Ouais. Et en fait, quand t'allais sur la page du groupe, c'était Blockhead Grindcore. Ah ben voilà. Donc il fallait quand même un peu, hein. Bah c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, que le truc que je t'ai fait écouter, qui ressemble un petit peu du punk pop américain, ouais. Le deuxième truc, et ben c'était Blockhead tout court, donc tu peux te faire piéger. D'accord. Voilà, mais en tout cas, bref, Blockhead Grindcore, qui est un groupe donc, de grindcore français de Nancy, avec leur dernier album en date, This World Is Dead, qui comprend quand même 25 chansons. C'est pour tout. Pour un total de 40 minutes. Et ils ont joué au Hellfest en 2014. Donc, grindcore, quoi. Je ne sais pas trop quoi penser de ce début d'affiche du Mutukultor, en fait, du Mutukultor. Parce qu'en fait, c'est toujours un peu le problème que j'ai avec ce festival. C'est autant il m'intéresse pour le côté justement humain, essayer de retrouver quelque chose de différent, autant les groupes ne me donnent pas toujours envie. Alors, Cannibal Corpse, bon, c'est, j'ai réécouté un peu, je suis pas fan. Ultra Vomit, c'est, je dis oui, d'accord. Angelus Apatrida, j'ai écouté, c'est du très bon thrash metal, je trouve, très bon. Ouais. Necro Witch, j'ai pas écouté. Et Blockhaus Grindcore, bah, j'ai pas trouvé, pour le coup. Étonnamment. Par contre, j'ai un problème, c'est avec Perturbator. Ça t'a perturbé ? Ouais, ça m'a perturbé. Tu sais, Perturbator, c'est le DJ qui était déjà passé au Hellfest. Mm-hmm. Et j'ai écouté leur... il a sorti un album, là, cette année. Je l'ai écouté. Ça a été difficile. Mais du coup, j'ai été voir un peu sa bio. Et apparemment, l'avant-dernier album a été plus ou moins encensé, on va dire, dans les milieux. Machin. Il a bien marché. Et j'ai été l'écouter. Et en fait, pour moi, c'est... tu te rappelles ce que je disais sur Marilyn Manson et sur Rob Zombie, qu'ils avaient, je trouvais qu'ils avaient l'impression de faire des BO. Ouais. Et ben en fait, là, ça serait la même chose sans chanteur. D'accord. Que de la musique, en fait. Sauf que, il paraît que le mec qui se cache derrière Perturbator, j'ai oublié son nom. Et ben, en fait, était guitariste de black metal avant. Ah, mais, c'est pour ça. Mais quand t'écoutes Perturbator, à aucun moment, pour moi, il y a un côté black metal. Ouais. Il y a même, en fait, dans tout ce que j'ai écouté, il n'y a aucun moment métal. Donc c'est là où je comprends pas. Je comprenais déjà pas ce qu'il faisait au Hellfest, mais je crois que c'est Joe qui avait écouté un petit peu et qui ouais. avait dit que c'était. Ouais, il adorait, c'était un grand fan. Oui, il est pour là donc. Mais il avait l'air de pas trouver ça dégueu, je crois, dans mon souvenir. Mais en même temps, tu regardes le guitariste de Primus, c'est pareil, c'est un ancien membre de groupe de black metal. Ouais, non, mais je veux dire, ça c'est. Je veux dire, en fait, là, je me pose plus la question de savoir de la légitimité d'être métal. Si on prend, par exemple, dans la fiche l'année dernière en moto... J'ai pas écouté, donc après, c'est vrai que je peux pas trop me faire un avis sur, mais c'est vraiment, sur Perturbator. C'est mais... vraiment... Il y a aucune trace de métal. Il y a pas un son de métal, il y a rien. C'est vraiment un DJ électro, pour moi. D'accord. Donc, à ambiance... Ah ouais, tu veux dire... classique quoi. Ouais. Guitare, batterie, basse, il y a pas. Il y a rien. Non mais pour moi c'est de l'électro, c'est juste de l'électro. Donc je suis vraiment. Ouais, bah j'irai écouter parce que là tu m'intrigues là, tu vois. Non, en fait autant l'année dernière, j'en avais rien. Tu veux secouer, autant là... au Mutukultor, je comprenais qu'il y a en fait j'ai compris que dans leur démarche de faire venir Guidré parce qu'elle a un côté extrêmement décalé qui pour le coup est métal, mais pour l'instant le seul truc que je trouve de cohérent c'est genre il a été guitariste dans un groupe de black metal. Ah oui, donc c'est pour ça. Bah non, mais musicalement, pour le coup, je comprends l'ouverture d'esprit que soi-disant les métalleux ont sur tout le reste, mais là, je comprends pas ce que ça fout là. Et je ne comprends pas du coup non plus pourquoi c'était... ou alors, c'est dans les premiers albums ou dans les premiers titres, il y avait une espèce, genre, il utilisait des samples un peu métal et tout ça, mais les deux trucs que j'ai écoutés, moi, c'est clairement de la BO de films un peu SF et tout, mais enfin, il n'y a aucune nuance. Voilà, donc je suis surpris. D'accord. Et donc, du coup, cette affiche me laisse un peu... Je trouve qu'il y a un gros décalage entre Cannibal Corpse et le reste. Après, c'est pas forcément un mal, mais... Cannibal Corpse d'un côté, Ultra Vomit de l'autre, et un peu des groupes un peu plus petits en dessous. Donc, je sais pas si c'est vendeur, une affiche comme ça, en fait. J'arrive pas à me rendre compte. Bon, pour l'instant, c'est pour annoncer des groupes, quoi. Ouais, tu crois ? Ouais, je pense. Ouais. Est-ce que tu crois que Ultra Vomit peut suffire ? Je ne pense pas. Est-ce que Cannibal Corpse peut faire venir du monde ? Je pense, ouais. Ouais, parce que bon, bah, Cannibal Corpse, quand même, ça fait quoi, 2-3 ans qu'ils jouent ? Ouais, à peu près depuis 87-89. Ouais, c'est ça. Donc ça va ? Ouais. Donc, non, je pense qu'ils peuvent faire venir du monde. Oui, mais en sachant qu'il y a quand même des grandes chances qu'ils se retrouvent aussi aux fesses parce qu'ils viennent de sortir un album, en fait. Ouais. Donc voilà, moi c'était. Je suis pour le Mutukultor. Je trouve ça très très bien. J'aimerais vraiment y aller. Pour voir ce que ça donne une fois. Donc, et même, Amish, je pense que ça serait peut-être même intéressant d'en discuter avec les gens du Mutukultor de comment ils font leur, justement, cette pré-affiche, qu'est-ce qu'il est... Ouais. Comment ils décident ça. Oui, c'est vrai. Donc d'ailleurs... Est-ce que les mecs, ils sont vraiment plusieurs à décider ? Ouais, j'aime ça, je veux avoir ça. Ouais. Donc du coup, je pense que ce serait peut-être le moment de lancer un appel. Écoute, Mutukultor. Si tu nous écoutes. Si tu nous écoutes et que t'as envie, nous, on vient... On te fait ta pub, on vient cette année, on se fait une interview tous ensemble et on se dit tout. Voilà. Et on boit des bières. On boit des bières et on se raconte un petit peu la vie, comment elle est. Voilà. Parce que, en étant totalement honnête, je pense que c'est eux les numéros 2 en France en termes de festival métal. Ah, attends. Ah non, ils sont numéro 3 parce que le Download est venu foutre la merde. Ouais. En termes de métal de fans. Vraiment métal de fans, ouais, je pense. Ils sont numéro 2, parce que c'est pas, ils jouent pas sur la même cour. Mais du coup, ça serait, je pense, hyper intéressant d'en discuter tous ensemble. Et voilà. Donc, motu culta, c'est une petite accrète sous la main. Voire deux. Voire deux. Nous, on vient. Hein. Ah ouais. Attention. Hein. Attends, c'est en août. Bon, bah, un de nous deux vient. Moi. Voilà. Pire, Bob, il vient et Bob, il est sympa. Il est sympa, Bob. C'est qu'est-ce que j'ai dit. Ah bah. Voilà. Est-ce qu'on passerait pas à une autre style d'affiche? Alors, celle qu'on a vue tout à l'heure, qu'elle est tombée comme ça? Alors, attends, j'ai envie de parler de ça, et après, on... Bah non, non, parle de ton avis, c'est important d'alterner. Vas-y, meuble. Bah, donne-moi une carte. Alors, nous avons l'Éocène. Il y a quand même 54 millions d'années avant nos jours. Alors, attends, pardon, comment ça marche, du coup? Ah non, pardon, j'ai dit de la merde. Alors, le Diatryma, 3 mètres de haut, c'est un oiseau monstrueux. De la taille de nos éléphants africains. Je ne sais pas lire, en fait. Carnivore, il se nourrit de petits mammifères. C'est un oiseau qui ne vole pas, car il n'a pas d'ailes. Ah, c'est le carnivore. Est-ce qu'on peut dire que Gad Elmaleh s'est inspiré de ça pour faire son Je sketch pense. Voilà, très bien. Je pense. Je vais en lire une deuxième. Le stégosaure, tu l'as fait Ouais. Ah non, pas celui-là, il me plaît pas. Non, pas le tyrannosaure. Le notosaurus. C'est possible. Reptile de forme allongée, un cou très long et délié. Je suis en train de chercher. Leurs membres se terminent en forme de nageoire. Ah, ça y est. Comme ma ressemblance avec les phoques et otaries d'aujourd'hui. Ils peuvent gagner la terre ferme et trouver leur nourriture, mollusques et poissons, en projetant leur long cou dans l'eau. Eh, on dirait moi. Ah ouais. Oh, hey, tu le connais celui-là? Le Diplo. Colus. Diplo-colus. Je te le mets là, on sait jamais. La prochaine fois, tu en auras besoin. Certainement. N'hésite pas, fais-toi plaisir. Donc, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai. De la petite affiche un peu fake de Rob Zombie. Oui. Eh bien, là, tout à l'heure, là, juste avant de prendre l'antenne. Cette cinquième édition, ce cinquième podcast. Haute en couleur. Haute en couleur. Une affiche nous est parvenue à nos petits yeux. C'est vrai. Tous ébahis. Mais c'est peut-être à la fuité, paraît-il. Il paraîtrait-il qu'elle a fuité. Et elle nous fume... Surprise. Étonnée. Étonnée, ouais, très étonnée. Surtout. Donc, est-ce que je... Non, allez. Le grass pop, métal... Donc, rien n'est sûr. Rien n'est sûr, hein. Une affiche du futur grass pop a fuité sûrement de l'intox, mais la dernière fois que c'est arrivé, c'était la bonne. Que penser ? Sur metalfans.bi. Voilà. Et donc, il y aurait l'affiche, je pense, pour ma part, complète, hein, du Grass Pop 2018. Voilà. Donc, on va mettre des guillemets, vu qu'on n'est pas sûr. Voilà. Donc, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a Ozzy. Ouais. Ça, oui. Vu que c'est officiel pour le coup. Pour le coup, oui, c'était officiel. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'il est dans tous les festivals. Donc, c'est fort possible. Et qu'à la fin de l'année, il va canner. Voilà, non, il est incroyable, ce mec. Ah ouais ? Ah, c'est un truc. On a dit la même chose de Lemmy. Ouais, mais là, non, je pense que Ozzy, vraiment, il devait pas faire des tests à une époque. D'immortalité ? Ouais, non, voir. Avec comment il fait ? Ce qu'il s'est foutu dans le. Ah ouais, pour le coup, ouais. Et puis depuis longtemps, là. Comment ça se fait qu'il tient de bon encore, ce mec, quoi. C'est ça. Bah, si, apparemment, il y a Dio aussi. Mais oui, parce qu'ils ont fait un projet avec Dio en hologramme. C'est vrai, non ? Putain. Ah, je me casse. J'arrête le podcast, j'arrête la vie. Ouais, cette vie ne mérite pas que je la vive. Ah, non, je crois que c'est ça. Hein. Attends, bah, vas-y, parle un peu de la fille, je vais me renseigner. C'est quoi le nom de... une autre. Du truc que tu m'as dit ? Donc, c'est Troll Métallique, en fait. Que... Non, pas ça, Dio, le nom du truc de Dio. Ah, Dio. Dio Returns. Ouais, j'ai regardé ce que c'est. Tu vas nous expliquer. Je vais prendre le temps qu'il faut pour. Donc ouais, il y aura des têtes d'affiche comme Iron Maiden, Avenged Sevenfold, Legacy on Beast, Stone Sour, Marilyn Manson, Megadeth, Bullet for My Valentine, Halloween, Parkway Drive. Voilà. Main Stage 2, il y aurait A Perfect Circle, Alice Cooper, Judas Priest, Dimmu Borgir. Ah tiens. C'est où, Ghost. Ça Ghost. Ah Ghost. Ouais. Ça m'intrigue. Ça t'intrigue ? Bah, qu'il soit déjà de retour en festival. Enfin, oui, non, enfin. Oui. Peut-être qu'il a pris des petites filles. Plus facile à soudoyer. Exact. Et il y aurait Trivium. Ah ! J'aime bien. Un petit groupe de Strasbourg, c'est ça? Floride. Floride, pardon. C'est pareil. Body Count. Oh! Featuring Ice-T. Le mec, il veut même plus dire qu'il fait partie du groupe. C'est vrai, c'est ouais, on fait un feat. Hein, ouais, allez. Godsmack, créateur, ah, Exodus, ouais, Blackstone Cherry, Hollywood, Waited. Donc, le fameux Dio Returns. Alors, Dio Returns, c'est effectivement le projet de Dio avec, en hologramme. C'est ça. Et, oui. De, voilà, c'est ça, regarde. C'est une espèce de... Tu vois, de, d'hologramme. Ah ouais. Voilà, donc... Ok. Voilà. Très très bien. Bon. Je sais pas s'il y aura d'autres... Je suppose qu'il y aura d'autres musiciens, puis un écran ou un mec Dio qui... Ouais, je sais pas trop. Par contre, si c'est vrai, pour tous les fans de Pantera, il y aura Rex Brown qui jouera sur la métal quelque chose. Bon, bah, du coup, alors on peut. Sachant que on ne sait pas si on a acheté nos passes pour le Hellfest, le Grass Pop, on est open. Hein, s'il faut venir. Oui, alors, Grass Pop, écoute. Nous, on peut parler de ton festival. En tout cas, voilà, c'est une affiche qui est pas officielle. Non, non, non, bah non, c'est... C'est, en fait, tu vois, c'est, en fait, ça se trouve, c'est peut-être le Ghost qui me met le plus de doutes. Ouais. Parce qu'il est annoncé nulle part ailleurs, donc... on verra. C'est fort possible. Donc, voilà. Donc, c'est, en tout cas, c'est tombé ce soir. Est-ce que c'est un troll? Est-ce que c'est bidon? Est-ce que ce sera un début de... Troll métallique, hein, en tant que capacité, c'est ça. Ah, donc, il y a une heure. Voilà. Et il est 23h16. Donc je vous fais le décompte. Ça fait tard déjà. Ouais. Putain, mais on a commencé tard en fait. Oui. Scandaleux. Bon, bah, du coup, on passe au download. Je te laisse faire. Très très bien. Donc, le download principal concurrent et on va dire autre option pour les métalleux en France, en dehors du Mutu Kultur, a annoncé déjà trois noms pour son édition 2018, qui se déroulera le 15, 16 et 17 juin. Le premier nom annoncé était Ozzy Osbourne. Le deuxième nom a été les Foo Fighters, yeah, qui est un gros, gros coup, je pense. Et le troisième, à savoir Marilyn Manson, qui, pour le coup, je ne vois pas trop le... Voilà, est-ce qu'il viendra en chaise roulante? Non, bah, déjà, non, je pense que ça sera réparé d'ici là. Tu mais... crois? Oui. Je les aurais pas mis tous au même niveau, mais après c'est leur troisième tête d'affiche, pourquoi pas. À savoir que j'ai été me renseigner un petit peu pour les autres éditions du download, à savoir la version anglaise de Donington Park qui se passera du 8, 9 et 10 juin. Donc Ozzy a été aussi annoncé et Avenged Sevenfold. Il y a aussi le download Madrid du 28, 29 et 30 juin. On retrouve Ozzy Osbourne, Avenged Sevenfold. Donc il y a quand même de grandes chances qu'il se retrouve à Paris. Marilyn Manson, Judas Priest, A Perfect Circle, Bullet for My Valentine, Tesseract, Galactic Empire. Est-ce que tu vois ce que c'est Galactic Empire? Non. En fait, c'est des gens déguisés en Stormtroopers qui reprennent... Voilà. C'est marrant, j'allais pas dire la connerie. Ouais, ouais, c'est ça. Rise Again, qui était annoncé aussi au Hellfest alors, l'année dernière, je crois, et qui avait annulé au dernier moment. Je sais pas qui c'est qui offre des places pour Rise Again là, qui passe à Paris, je crois. Ah, peut-être. C'est pas un EMP ou un truc comme ça. Ah, bah peut-être. Et un groupe que tu aimes assez bien, donc qui va venir au download de Madrid, donc peut-être après son download à Paris, à savoir Clutch. Oui, j'ai vu ça, ouais. Voilà. Donc je pense quand même que ça serait très étonnant qu'on retrouve pas les mêmes groupes dans les différents downloads, si on part du principe que Live Nation vend des tournées et pas des concerts uniques. Ouais. Donc, voilà. Il faut aussi savoir qu'il y aura cette année, enfin, en 2018, une journée pour le premier download à Melbourne, qui se passera le 24 mars. Il y aura 4 scènes pour 29 concerts. Et on n'a pas encore les deux groupes, mais je vais piffer un Ozzy Osbourne, Avenged Sevenfold et Marilyn Manson. J'en ai rien à foutre. Ouais. Je piffe ça. Mmh. Voilà. Sinon, on peut peut-être parler de du Wacken. Vas-y, oui, fais on bon. Peut en parler. Bah, ouais, non, après... Je voulais pas le faire sans que... Ça ne me pose pas de problème. Eh ben, je vais d'abord parler du Rockhammering. Ah, voilà. Parce que la page est ouverte. Qui se passera du 1 au 3 juin. avec plein de groupes. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc je vais pas dire tous parce que ça n'apporterait rien. Avenged Sevenfold, A Perfect Circle, Blackstone Cherry, Body Count Fight Ice-T, Bullet for My Valentine, alors Caliban, Hunter Shiraki, Foo Fighters aussi, Gorillaz. Good Charlotte, Gorillaz, Kaleo, Jimmy Eat World, Hollywood Undead, Marilyn Manson, Meshuga, Rise Again, Parkway Drive, Stone Sour, 30 Seconds to Mars, et pff, après d'autres groupes que je connais pas, Nothing But Thieves, Walking on Car, UFO 361, Trailer Park, voilà. Donc on peut quand même noter certaines similitudes entre les différents trucs annoncés. Ouais. Puis maintenant on va aller faire un petit tour du côté du Wacken. Et pas du tout d'As The Drive-In. Ah, je l'ai vu nulle part pour l'instant. Ouais. Donc pour le Wacken, nous avons Amaranth, Amorphis, Arch Enemy, Bankrest, Children of Bodom, Belphegor, Behemoth, qui a été ajouté le 1er novembre, Dimmu Borgir, Dirk Schelder, Doro, Epica, Knorr-Krator, Judas Priest, In Extremo, Firewind, Mantar, Night Demon, Samael, War et Walking Dead, qui ont été, Walking Dead on Broadway, qui a été ajouté le 1er novembre, Nightwish, Running Wild, Vince Neil, Sepultura et Watten, je pense aussi. Donc, il y a quand même 2-3 têtes qui ressortent un petit peu. Ouais. On peut d'ailleurs noter quand même que le Wacken est celui qui a la plus de, qui a vraiment plus esprit métal, je trouve, dans, ouais, avec des groupes plus intéressants, je dirais. Donc voilà, pour l'instant, le festival d'Alcatraz n'a pas encore donné ses noms. Ah, c'est pas plus tard, ça. Bah, c'est le 10, 11 et 12 juin. Alcatraz, hein. Bah, c'est ce que j'ai noté, moi. Ah ouais. Ou alors il y en a un autre. Ah, je crois que c'était plus tard. Non, mais t'as raison, ça devait être plus tard normalement. C'est bizarre. Mes informations ne sont pas bonnes. Non, non, mais je voyais ça plus tard. Ouais, genre septembre, fin août. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est qu'est-ce que j'aurais dit aussi. Ouais, non, mais je croyais que tellement de festoches en même temps, maintenant qu'on s'y perd un peu. Quoi. Bah, là pour le coup, en fait, t'as vraiment moyen à un moment donné de faire toutes les semaines un festoche, quoi. Mmh. Et ça. Là, il y en a là, aux États-Unis là, qui sont. Avec des petites têtes. Ah non, de ouais, non, pardon, ouais. C'est le 10, 11 et 12 août. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est plus tard, du coup. Et ouais, ça peut rester. En général, la fiche d'Alcatraz est plutôt pas mal. Hein. Ouais. Moi, esthétiquement, j'aime bien. Ça peut être une option un peu intéressante. Hein. Du coup, Alcatraz, hein, nous, on veut bien. Hein. Voilà, écoute, Alcatraz. Tant qu'à faire, on n'aura jamais fait un épisode aussi racoleur. C'est clair. Bon, il faut en faire. Ouais, voilà. La semaine prochaine, ce ne sera pas comme ça. Non, mais non, parce que la semaine prochaine, on aura des trucs à dire. Peut-être des gens à interviewer. Du coup, as-tu écouté deux, trois choses, toi? D'accord. Rien de nouveau? Non, rien de nouveau. Est-ce que ça serait pourtant pas le moment de nous faire ta petite playlist de la voiture? Oh, la playlist de la voiture! La voiture à Bob, elle est pleine de CD. Ouais! Ouais, non, ça, tu ne referais plus ça. non, bah cette semaine, non. Et donc, je n'avais pas 5 CD parce que je n'ai travaillé qu'une journée. Oh! Donc, du coup, je remettrai. D'accord, donc je repars à zéro. Je repars à zéro. Ouais, dès que je sors de la voiture et que je vais en repos, j'enlève les CD de mon véhicule. Attends. Automobile. Excuse-moi, mais attends. T'es sûr, pourtant, t'as pas le dernier génome dans ta voiture? Pensée primitive? Si, parce qu'il passe dans ma voiture. Et maintenant, il passe aussi dans ma chaîne. Waouh! Parce qu'ils ont échangé. D'ailleurs, on peut noter que leur SAV est aux petits oignons. Ah, c'est clair. Ils viennent chez toi. Directement pour changer le CD. Voilà. Les mecs sont au top. Ah ouais, puis très cool les mecs. Ouais, vrai. Sympa. Puis ils boivent des bières, ils discutent autour de la table. Très très vrai. Donc j'avais il y a un mois maintenant, car temps passe tellement vite. Parler des meilleures ventes d'albums et j'avais déjà dit après, oh, c'était pas terrible. En fait, je me suis dit que le faire peut-être une fois par mois pour un peu comparer, ça pouvait peut-être être intéressant. Du coup. Ça fait un mois. À peu près. En France, donc, on parle des top albums fusionnés, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte... en fait, le classement que je vais vous dire, c'est le classement des CD rock. Ils ne tiennent pas compte de tous les autres. Parce que, par exemple, le numéro 1, c'est Marilyn Manson, mais il est 92e. Mais c'est le premier rock. Ouais. Enfin, donc, c'est ça l'idée, c'est le top 200. En deuxième, nous avons Robert Plant, mais qu'il est 127e. D'accord. Donc, c'est pour ça. En troisième, nous avons Prophet of Rage. Et en quatrième, Linkin Park, à croire qu'il s'est passé quelque chose chez le groupe. Si on parle maintenant des albums... Si on parle maintenant des albums en physique, le premier reste toujours Marilyn Manson, le deuxième Robert Plant, le troisième Queen of the Stone Age, qui était en concert à Paris hier. En quatrième, nous avons les Foo Fighters, cinquième Europe, sixième Linkin Park, septième Rammstein avec Rammstein à Paris. Je précise pour celui-là parce que des fois que des gens se disent « Un nouveau Rammstein ?» Non, non. Le huitième, c'est Motorhead avec Undercover. Et ça, je trouve ça scandaleux. C'est leur album de reprise. Le neuvième, c'est Son of Apollo, qui est un groupe que j'ai failli aller écouter un petit peu parce que je crois que c'est un side project. Aucune idée. Mais si, tu sais bien. Ah oui, c'est ça. Et le dixième, je comprends pas qu'il soit que là, Trivium. Et le onzième, D-Lane. Voilà. Maintenant, si on passe, on va faire un petit tour. On passe vite fait sur l'Allemagne. Hein, huitième, Trivium. On va passer par la Belgique. Huitième, Trivium encore. C'est ouf. Hein. Royaume-Uni. Attends, je recommence. L'Allemagne en premier, nous avons Doro. Apparemment, c'est une chanteuse. Après, en deuxième, nous avons Die Toten Hosen. Ils sont pas passés. Doro ? Ouais. Ils sont pas passés quand ? Je ne sais plus. J'ai vu ça. Ils sont peut-être passés. Un jour. D'accord. Doro. Ok. C'est... D'accord. Très bien. Eh ben, ok. En Belgique, le premier, c'est Robert Plant. En deuxième, Marilyn Manson, Foo Fighters. Le Royaume-Uni, Foo Fighters, Robert Plant et Foo Fighters, le greatest hit. Aux États-Unis, les premiers, Trivium. Deuxième, Queen. Pourquoi tu parles plus fort ? Je sais pas. Troisième, les Foo Fighters. Ah, et en cinquième, on peut noter Metallica avec le Black Album. Doro au Hellfest 2011. Eh, bien vu, Bob. Tu pouvais le dire, hein. C'est pas la peine de me le montrer. Hein. Ah, tu vois, bah, t'as j'ai la fiche 2011 sous les yeux. Et tu ne retrouves pas le nom. Voilà. Mais non, mais je savais que c'était... Ah, oh, putain, la vache. Et pourquoi on les voit pas ? Cette mémoire. Ils ont pas remplacé un groupe ? Ah si, c'est là, regarde. À côté de The Exploit. The Exploited. À côté, juste à côté, en bleu. En là, bleu. Entre deux Damsgaard et The Exploited. The Exploited, attends. À droite, The Exploited. Et je le prononce à chaque fois différemment. The Exploit. The Exploit. Putain, je le vois pas. Bon, tu vois le dernier groupe en bas, Valiant Thor. Tu remontes, Morn, The Exploit. C'est hyper bien pour les gens qui écoutent. Ouais, il y a Master of Reality. Et je te... Attends, je sais, bouge pas. Regarde, là. attends, là. Regarde, là. Ah, ben oui, là. Un taureau en bleu. Bah, voilà, tu vois, bon. Putain, je le savais. Donc, voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'album de Trivium se vend plutôt bien. Je vais te laisser. Est-ce que tu... J'ai mes mouchoirs. Laisse tomber. Alors, je sors jamais sur les mouchoirs. Est-ce qu'on peut dire quand même que Foo Fighters trust un petit peu avec Marilyn Manson et Robert Plant? Trust, moi, en général, ça, je vais pisser. C'est vrai. Est-ce que tu aurais écouté Robert Plant? Non, je n'ai pas écouté Robert Plant. Oui, mais est-ce que tu irais? C'était la question. Est-ce que j'irais écouter Robert Plant? Peut-être, ouais. Et as-tu écouté un peu le dernier Queen of the Stone Age? Tu sais, moi, tout ce qui est Deep Purple, tout ça, je sais pas. Ouais. C'est bien, c'est important de faire un petit troll comme ça. Bah, bien sûr. Voilà. Tu l'aimais pas à l'époque de Deep Purple? Et maintenant qu'il est en solo. Maintenant qu'il est en solo, hein, je l'aime bien, je trouve. C'est différent, quoi. Ouais. Ouais. C'est vrai. Puis bon, bah, ça, c'est depuis le départ de Jimmy Page. C'est un bon batteur. Ouais, attends. Alors, juste parce que des fois on paraît un peu bidon dans ce qu'on dit, non, on sait bien que c'est Led Zeppelin. Voilà, c'est tout le mec qui l'a fait. Ne nous jugez pas. J'ai eu l'occasion d'aller le voir au Zénith de Caen quand il était en tant que Robert Plant tout seul. Je ne sais plus quel album il avait fait et que j'ai trouvé plutôt sympa. C'est pas avec le fils de Bonhomme à la batterie, justement? Pas un truc comme ça? Ouais, bonne question. Il y a des années de ça. Ah, il y a au moins 10 ans que j'ai. 10, ouais, 10, et 10 c'était ans. Bien ? Ouais, c'était sympa. Bah, franchement, on avait acheté l'album et j'avais trouvé plutôt sympa. Mais c'est pour ça que du coup, moi, ça m'intrigue en fait. Autant je me doute qu'il arrive. Si c'est dans le même esprit, ouais, je pense que je vais aimer. Ouais, bah, par contre, on peut noter quand même dans les albums téléchargés en numéro 1 en France, Hollywood Undead. Tu vois, moi j'ai dit, oh, beaucoup de trucs. Ouais, non, c'est joli. Voilà. En tout cas, voilà, toujours hein, cette rubrique sur le papier me dit bien, et dès que je la fais, je marche moins bien. Ouais. Sinon, pour en revenir, ah si, je viens de voir un truc, c'est pour ça que j'en parlais. Tu avais dit que Slipknot sortait un nouvel album, et tu m'avais même tagué un endroit pour me dire, hey, regarde, t'as vu, ils sortent bien un truc. Et en fait, c'est un live. Voilà. D'accord. Voilà. Non, mais après, je suis pas plus fan que ça, moi. Je suis arrêté au premier album, donc c'est parce que je sais que toi, tu. Oui. Mais bon, tu t'es pas arrêté au premier album, t'as le troisième là-haut. C'est pas moi, c'est ma douce étendre. Ah, tiens. Ah, mais voilà, c'est. Très bien. C'est ma douce étendre. Voilà. Qu'est-ce que tu fous ? Non. Encore avec l'autre con. Comment tu sais comment elle t'appelle ? Non, donc c'est un live qu'ils ont sorti, apparemment. Il doit être très très beau en visuellement, il doit être. Ouais. Je pense que c'est encore le clown qui a réalisé. Ça m'étonne pas. Parce qu'il aime bien faire des trucs. Ah ouais. Donc, ben, écoutez, voilà, nous sommes à 1h20. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ? Je crois qu'on a fait un peu le tour. Oh, bah écoute, non, moi ça va. Bah moi aussi, hein, ça va. Donc on arrête là ? Bah écoute, je trouve que c'est pas mal. C'est pas si mal. Bon d'écoute. Hein ? Bah, en même temps, c'est un podcast. C'est ça. Bah du coup on va vous souhaiter à tous une bonne soirée. Voilà. Alors je l'ai entendu ailleurs et je le reprends, mais c'est juste pour cette fois, mais on s'excuse pour la gêne occasionnée. Parce que je trouve que c'est. Il y a un mec qui fait des vidéos, il dit tout le temps ça en fait. Je m'excuse pour la gêne occasionnée. Je trouve que ce soir ça c'est assez de bonne. Ah ouais, de bonne augure. Voilà. Ouais, je trouve aussi. Ouais, c'est pour ça que je préfère le faire. Bah, mais ça toi tu le diras au tout début en fait. Bah oui, mais je savais pas. Oui. Bah la prochaine fois on avisera. Voilà. Bah non, oui, bah, c'est pas à nous, on peut pas le reprendre. Moi, j'aime pas piquer ce qui est pas à moi. Ah oui ? Bah. Et pourtant, tu le fais. Comme quoi ? Bah, je sais pas. On s'excuse pour la gêne occasionnée. C'est... Non, mais je l'ai précisé. Ah oui, d'accord. Oui, je sais que c'est pas de moi. Ah, mais, tu dis que c'est un mec qui est sur YouTube, c'est ça ? Ouais, non, mais ça va intéresser personne. C'est un mec qui fait du games, il fait des trucs. En fait, bon, je vais juste expliquer deux secondes, parce que maintenant que j'en ai commencé à en parler. C'est un mec, genre, il va faire du stream de jeux vidéo. Et puis juste si dans le quand il est en train de parler avec les gens sur le chat, il voit un mot qui est différent, il va aller chercher le sens sur machin, il va utiliser Google Trad pour le traduire, puis il va commencer à jouer qu'une heure et demie après, tellement il aura... D'accord. Voilà. Donc c'est marrant, c'est amusant, c'est décalé, mais c'est ça. Ok. Voilà. Pas tout compris, mais ouais. Mais c'est... Mais c'est... Et c'est sincère. D'accord. C'est ça, voilà. Le but. Bon, mec. Oh, bah dis donc. Non, c'est le même. C'est le même. C'est le même. J'avais pas appuyé sur le bouton couper la musique qui fait du bonheur dans mes yeux. Voilà, très bien. La fatigue. La fatigue. Mais pas l'alcool. Hein. Bah non, même pas. Parce que c'est ça qui est fou. Parce qu'on est. Tu sais pourquoi ? Ouais. Je pense qu'on va être obligé de leur dire à un moment donné qu'on s'apprécie peut-être un peu aux gens. Oui. C'est ça. Mais pas là. On n'est pas encore prêt à le dire. Du coup, on vous souhaite une bonne soirée. Mon prénom commence par un D. Ah bah t'as dit qu'on se dévoilait plus cette saison-là, donc... Je me rends compte que je ne connais pas son prénom. Ouais, apparemment. Par un D ? Oui. Tu l'écris bien comme un D, hein ? Pareil. Comme de Damsgaard, le même D. C'est ça, hey, de Damsgaard. Dominique ? Excellent groupe. Dominique ? Dominique. Dominique. Ah, hé, oh ! On avait dit pas de pub. Voilà, très bien. Donc, une bonne soirée à tout le monde. Je te laisse faire les remerciements d'usage. On vous emmerde et on vous aime. C'est pas l'inverse ? Non, on vous aime et on vous emmerde. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, tu crois ? Ouais. Du coup... Et plus si affinité. Et bien sûr, bonsoir à tous. Joe. En fait, je t'ai dit ou pas, il a écouté le 1 et le 2 ? Ah ouais. Ouais. Ah bah tiens. Il en a pensé quoi ? Bah attends, je vais te dire, parce que j'ai un message. Ah ouais. Non, il me l'a dit et... Non, parce que c'est voilà, le mec a arrêté le podcast, mais il est toujours en train de nous écouter. Je pense qu'il nous stalk un petit peu, il nous suit. Je suis sûr qu'il gratte à la porte en ce moment. Attends, il a dit épisode 1, saison 2, ok. J'aime Road to Hellfest, c'est fait. Oui, parce qu'il avait même pas liké la page. Ouais, super. Faire de la musique métal avec Jack et Bob, en attente, peut-être à la saison 3. Ah ouais. Ouais, mec. Monsieur se fait désirer, quoi. Oh bah attends. Carrément, quoi. Il est au-dessus de ça. Ouais, je quitte le podcast, je vais faire mon propre truc dans mon coin. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah, tu vois, il gratouille à la porte après, bah, et puis il me dit, ouais, non, en fait... Tu sais, il y a un épisode où tu vas revenir, Joe. Et cet épisode-là, on va pas te rater, mec. C'est clair. Alors là... C'est une grosse chaîne avec un cadenas. C'est ça, et peut-être que tu prendras des coups de la chaîne. Je pensais pas à ça, mais... Non, je sais, mais c'est pour ça. Allez, on arrête. Une combinaison en latex. Ah non, mais on n'est pas là. Les gens sont pas prêts. C'est pour ça que je vous dis vers la fin. T'as vu, en fait... Est-ce que t'as vu... J'ai mis... Si on te raconte notre vie, c'est quoi? Ouais, bah vas-y, dis-moi. Est-ce que t'as vu que j'avais mis sur Facebook qu'on allait aller jusqu'à la 15e ou 16e saison? Non, j'ai pas vu ça. Dans un... Bah, est-ce que Richard a mis un truc, a demandé s'il y avait des contacts pour faire jouer à Leclerc dans le camion devant. Ouais. Et moi, j'ai marqué, laisse à Road to Hellfest 15, 16 saisons, puis on s'occupe de tout. Ah ouais, 15, 16 saisons. Ouais. Ah ouais, là, peut-être qu'on aura réussi à se faire du contact quand même. Bah, j'espère. Ah ouais. Là, sinon, ça sera un peu l'échec. Putain, déjà que là, on rame comme des grands malades. Quoi? Arras, mon pote Dépêche Mode? Oui, c'est vrai. Attends. Ok. Respect. Non, bah, je dis rien. Puis okay. Tu sais pas qui c'est qu'il y aura, parce que Dépêche Mode, à mon avis, ça sera le dimanche. Le dimanche, ouais, comme le Radiohead l'année dernière. Voilà, non. Enfin, cette année, du coup. Bah oui, cette année. Du coup, à chaque fois. Mais oui, hein, c'est perturbant. Mais du coup, ouais, et peut-être que le vendredi, il y aura des grands groupes. Oh la vache, t'imagines. Eh ben oui. Oh, ce serait énorme. Comme cette collection de bières vides. Voilà, allez. Bonne soirée à tous. On se retrouve normalement la semaine prochaine. Bah si, ouais. On espère qu'il y aura plus de choses à dire que cette semaine. Et comme ça, on aura moins à ramer. On vous fait... J'aimerais bien. Moins à ramer? Non, mais qu'il y ait plus de choses à dire... Je suis d'accord avec toi. Vraiment en rapport avec... Avec la ligne éditoriale. Avec la ligne éditoriale. Voilà. Et puis, bah, voilà, je te laisse finir. Bisous. Oh, il est tellement tendre au fond de lui. Mais ouais, j'ai un petit cœur de rocker. De rocker. Au revoir. J'ai jamais su lui dire je t'aime. Et pourtant. Allez, tiens, on va faire un cranium. Il continue en plus, c'est con. Bon, allez, sérieux, j'aimerais bien aller me pioter, moi. C'est pour le trou, mais je bosse demain. Tu vas couper quand même. Ah, c'est dur. Ah, je suis bien. Ah, je passe un beau moment. Ah, moi, je passe un beau moment. Oh. C'est ça. Je vais m'ouvrir une petite grim. Ouais. Tiens, grim, si tu nous écoutes. Ah, eh bah oui, pour le coup, avec tout ce qu'on achète, là, c'est ça serait assez cool. Ouais. Oh, on est pas chiant, on demande juste quoi. Allez, de temps en temps. Bah attends, si on fait le ratio... Oh, bah... Bon, allez, 20 packs et puis on est bien. Ouais. 20 packs de 6. Oui, par semaine. Ouais, bah, ça c'est pour faire venir les copains. Bon allez, on arrête. Ciao. Bisous.